Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 134 de chez Papa Cassette. Ben oui! J'espère que tout le monde va bien, ça, oui. Ça va bien Jean-François? Oui, toi Dominique? Ben oui, très bien. Ben oui. On a un invité spécial aujourd'hui. Ben oui! Jason Gawet, alors bienvenue. Avant de t'introduire, je veux juste faire un petit quelque chose pour débuter le show. Ouais, du housekeeping. Du housekeeping, en effet. Donc, vous avez vu, ou vous avez pas vu en fait, le panneau de Pixel Microbrasserie en ouverture comme commanditaire. En fait, la commandite est malheureusement terminée. Étienne m'a annoncé qu'il mettait fin à ses activités pour Pixel pour l'instant, à tout le moins. Ça met pas en. Tu sais, il adore brasser et puis tout, et puis ça, ça change rien. C'est juste que là, c'était compliqué. Ben, il y a eu un petit bordel là, avec Transbrew ouais, et tout ouais. Ça. Puis les, non! Les... Ouais. Pour vrai? On va en parler tantôt, incroyable. Puis on a une bonne personne pour ça ici. Fait que bref, il a connu un calvaire et puis ça n'a vraiment pas été drôle. Et puis là, la distribution est rendue vraiment difficile. Alors, il préfère se retirer pour mieux revenir peut-être plus tard, qui sait. Donc, il a besoin d'un break. Alors, c'est terminé pour Pixel. Alors, j'invite tout le monde à acheter les bières Pixel que vous voyez sur les tablettes. Elles sont discontinuées. Elles vont prendre de la valeur. Ben oui. Alors, voilà. Ben, c'est à tout le moins. De la bière de collection. De la bière de collection. Complète en boîte. Puis ça encourage Étienne une dernière fois. Alors, je le remercie encore, Étienne, qui nous a commandité depuis... Oh my God. Un vieux de la vieille. Couple d'années. Un vieux de la vieille. Exact, exact. Autant de Vox Populi. À l'époque de Vox Populi. Même et avant puis, ça. Étienne, c'était la première personne à avoir gagné l'annuel des brasseurs amateurs, la BAC, qui avait commencé à brasser dans le temps, je pense, c'est Red Barn Brewery ou Black Barn Brewery quand il était micro, quand il était brasseur amateur. Il avait gagné un annuel de brasseur amateur. Il avait brassé sa première bière chez Dunham. Que j'étais un commanditaire aussi, fait que c'est comme, c'est un vieux de la vieille. Ah, c'est, ouais, ça ouais, fait longtemps qu'il roule sa bosse. Ah, totalement, très respectable. Fait que, puis ça, je trouve ça bien triste pour vrai. Mais en même temps, je suis content pour lui parce que je crois qu'il va avoir besoin d'un petit break mental, puis ça va y faire on du bien. On dit qu'il y a de la distorsion. Y a-tu de la distorsion, on dirait? Alors, tous les autres écoutants du podcast, dites-nous-le, puis on va essayer de le régler tout de suite. T'as un mic auxiliaire qui est dans le peak un peu, non? Ah ouais, ok. Pour la caméra. Oui. Ah, vous voulez dire que nos bouches sont pas sur l'image? Non, il veut juste dire qu'on est trop beau, puis ça comme distorsionne l'image. Il y a une latence, en fait, là. La caméra scintille. C'est, ben, c'est toutes nous autres. Je sais pas quoi dire. Quand la caméra est parfaite ici. C'est très étrange. Non, c'est flou. Mais en tout cas, Refresh. OK, on va tenter de régler ça. Live pendant que vous parlez. Live pendant qu'on parle. Alors voilà, je remercie Étienne pour toutes ces années. Ça fait vraiment très longtemps. Ah, on est en 16 bits. Ça fait vraiment très longtemps. Alors je le remercie et puis on va voir s'il y aura une suite. Fait que, bonjour. Bonjour. Bonjour. On a un invité ici. Un monsieur tout de bière et de verre. De verre, je voulais dire verre. Tout de bière et de verre vêtu. Alors, Jason Gawet, bonjour. Bonjour, a.k.a. Papa Gawet. Oui, Papa Gawet, ça va bien? Oui. Bon. Ça va très bien. Bon, écoute, je pense que tu as des fans dans le chat. Ben oui, j'ai vu ça. Bonjour, bonjour à vous tous. Félicitations de vous être rendus. Exact. Papa Chaf qui te connaissait. Ça se peut qu'il y ait des petits changements pendant qu'on parle. Ouais, c'est ça. Alors, c'est malheureusement, par contre, un type de prénom que je ne connais pas, Papa Chaf. Je ne sais pas t'es qui, c'est... mais félicitations, bonjour. Allô, on a Eve. Ah, ben là, mon excellente conjointe. C'est vrai que ça scintille. C'est vraiment weird, ça. Ouais, on dirait que... Ben donc, ouais. Fucked up. Ah ouais, ça clignote un peu. Attends un peu. Non, c'est pas ça. C'est la caméra va auto-focus. C'est la diffusion, là. Ah ouais? Ouais. Okay. On est-tu en 60 FPS? Ouais, on est en 60 FPS. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas abonné Twitch, gang. Il va falloir que vous donniez des subscribes, puis là, nous autres, ça va nous aider. Mais non, c'est pas ça qu'il faut c'est faire. C'est ça qu'il faut faire. OK, c'est tout bon. Le monde, abonne... Abonnez-vous! Oh my God. Bon, OK. Ben écoute, là, c'est pas grave. Au moins, on nous voit un peu, même ouais, si ouais, ça mais c'est de la merde, pour vrai. Là. Puis là, de toute façon, c'est un show également audio. Alors, on va continuer de parler, parce que sinon, ça fait pas de la bonne TV. Effectivement. Fait que voilà. Donc, Jason, bonjour. Je t'ai invité ce soir parce que tu es ce qu'on appelle un entrepreneur. Effectivement. Tu as possédé et tu possèdes tu possèdes encore des entreprises? Oui. Lesquelles? Je possédais des marchés d'alimentation sous la bannière IGA. Sinon, je possède j'étais pour dire en colocation. Qu'est-ce que c'est ça, genre? je suis coactionnaire. GF a tout cassé. Les micros sont revenus. Time out! C'est bon. Ah ouais, c'est-tu revenu, là, le son? C'est là. Audio revenu. OK, go! Vous avez perdu ça à co-actionnaire. Donc, co-actionnaire des bières Lagerbrau. Ouais. Sinon, je suis aussi propriétaire de Empire Gaouette, la puissance montante de la décroissance. Dans le fond, c'est une fusion de mes entreprises que j'ai mis ensemble. J'ai appelé ça Empire Gaouette parce que je trouve ça très drôle parce que mon but, c'est justement pas fonder un empire et aller en décroissance le plus total. Et je m'en vais vers l'agriculture. Mais t'as-tu incorporé ça? Oui, là, oui, c'est l'Empire Gaouette. Tu peux Gaouette, voir là, ça, Google it, là. Empire Gaouette, ça existe au registre des entreprises. Là. Okay, okay. Et c'est la fusion de mes deux entreprises que j'avais d'alimentation quand je les ai vendues. J'ai fait une entité, j'ai appelé ça. Fallait que je trouve un nom. Tant qu'à donner un nom à numéro, j'ai appelé ça Empire Gaouette parce LOL. OK, OK. Fait que dans le fond, t'as pris l'argent des ventes de tes deux compagnies, t'as mis ça dans ta nouvelle compagnie. Exact. Puis avec ça, ben, tu pars un genre de nouveau projet d'agriculture. Exact, c'est de l'agriculture. Exact. Oui. OK, fascinant. Là, je savais pas ça. Vois-tu? Mm-hmm. C'était pas dans mon squelette. Surprise! OK, bon. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler des IGA, parce que je pense que ça a comblé, ça faisait une très grande partie de ta vie, en fait. Oui, quelques décennies, oui. Quelques décennies, rien de moins. Après ça, on va bifurquer sur la bière, on va parler Lagerbrau. Lagerbrau. C'est ça? Je sais pas, man. Je te laisse aller. Non, mais c'est toi qui nous le dis, là. c'est Lagerbrau. Lagerbrau. Ouais, mais tout le monde appelle ça Lagerbrau. Ouais, mais c'est bro, man. C'est comme plaisant. Mais c'est pas assez inclusif. Ouais, je sais. Que, non, mais oui, genre, on le sait. Parce que de toute façon, on est trois garçons qui est là-dedans. Ouais, c'est ça. Oui, mais non. Je comprends. Ben, tu pourras nous l'expliquer, l'origine du nom. Bien sûr. Puis écoute, on va parler de l'Empire Gaouette aussi après ça. Fait que, écoute, comment on fait pour... Je trouve ça drôle, là, c'est-tu. Tu pensais pas qu'on allait parler d'Empire Gaouette? Non, mais Empire Gaouette, calisse que je trouve ça drôle. Ah, genre, toutes les fois, genre, ben, mon excellente conjointe était dans le chat, là, genre, on était chez le notaire, je sais pas tout ce qu'on va, puis on est comme Empire Gaouette, puis comme à Roll Eyes, puis on est juste comme les deux, on est crampés. Ah fait, ouais? Comme, c'est-tu que c'est un but, là? C'est-tu... Empire Gaouette. C'est-tu l'impératrice Gaouette, hein? Non, c'est une reine, c'est la reine. C'est dans le royaume, même, donc ça... C'est votre royaume. Saint-Jean, c'est qui prend reine prend royaume. Oui, exact, exact. OK, ben on y reviendra, ça aussi. Beaucoup de sujets. Fait que là, on va commencer tout de suite parce que j'ai comme l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à dire puis on va essayer de ne pas faire un show de 4 heures. Comment on fait pour devenir un épicier? On le devient pas, on l'est. Ah ouais, t'es né, toi, avec un sac de IGA. Je suis littéralement né dans une épicerie. Non, pas littéralement. Mais non, mais bien évidemment, c'est même pas un cliché, c'est un classique. Mes parents étaient déjà épiciers, avaient déjà des entreprises qui étaient. On était chez Provigo dans le temps, okay. À Quaticook. Je suis un fier townshipper. Anciennement résident de Quaticook et même Baldwin Mills, pour les gens qui sachent. Sacrément, combien il y a de monde là? dans le temps que j'habitais là, l'été... non, l'hiver, l'hiver, on était 15. C'est hot. L'été, on était 150, genre parce qu'il y a un lac, une montagne, on est proche de Stanstead. Okay. C'est vraiment un hostie de beau spot, mais l'hiver, il n'y avait pas un chat et même... J'ai des histoires par rapport à ça. Là. J'ai connu... Il n'y avait pas le téléphone. Fait que okay. J'ai connu un grand coup, un petit coup. Même au début d'Internet, quand il fallait que je me branche par modem, ça, par téléphonique, Okay. Genre, je prenais la ligne téléphonique de mes deux autres voisins parce que la ligne téléphonique ne se rendait pas. C'est un autre monde. Je suis vieux, gang. Ah ouais? T'as quel âge, là? Justement? J'ai 40 ans. 40 ans? Juste, oh, genre, même. Super. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas vieux, mais genre, ça, c'est le genre de truc que, genre, même mes parents étaient comme. Genre, ouais, c'était vieux genre, pour tes même, parents. Même pour mes parents, ils étaient juste comme, c'est complètement absurde ce qui se passe ici. Genre, ils sont-tu encore là? Non, ça fait un petit bout qu'ils sont plus là. Ils sont rendus à Orford. Mais on est vraiment une gang des townshippers. Je suis Quaticook, je suis Sherbrooke, Magog, Garford, je viens de ce coin-là. Ah ouais. OK. Yes. Fait que tes parents avaient des épiceries, puis là, ouais. un moment donné... Il y avait une épicerie, oui. OK. Puis là, à un moment donné, ben, ce qui s'est passé, c'est que Provigo... là, ils t'ont dit, lâche l'école, ouais, non, deviens c'est... épicier. Ouais, j'aurais dû dire ça, man, ça m'aurait évité de tomber alcoolique. non. Mais... non, ce qui s'est passé, c'est que Provigo, ils ont été rachetés par Loblaw, c'est des épiciers indépendants. En fond, t'es pas un franchisé, t'as tes propres shit que t'as payé ton local. T'achètes du stock d'un fournisseur, le fournisseur, c'est Provigo. Là, tu payes la franchise. Tu payes la pour franchise, avoir, puis eux autres, ben, pour avoir le droit au circulaire, le chip, le jeu manger, le chip. Ah, ok. Eux, ils s'occupent de toutes ces affaires-là que c'est quand même compliqué à gérer tout seul quand t'es tout seul. T'as besoin de ketchup à bon prix. Ben, faut que tu appelles Heinz pour se livrer une vanne. Le fait qu'il y a un gars qui achète plusieurs vannes de Heinz et qui les revend au prix d'un gars qui achète plusieurs trucs de vin, ça aide beaucoup. C'est un des avantages d'être justement en franchise ou d'être en partnership avec une bannière. Ça m'intéresse pour être MTL, vois-tu. Je me pose exactement les mêmes questions. Comment faire des franchises? Parce qu'on fournit, tu fournis tout le stock. Ben, tu devrais demander à Petite Frette, ils ont l'air de savoir quand ça marche. Wow! Oh! Ça, c'est une autre affaire fascinante. On en parlera aussi tantôt. Donc, Provigo, une très belle entreprise fondée par, je ne me rappelle plus qui, mais c'était une contraction de deux noms, Provigo. Des gens du coin qui ont vendu à Galen Weston, que vous connaissez pour le pain Weston, mais surtout pour la bannière Loblaw, maintenant Provigo, qui ne sera plus Provigo, Maxi, tout l'empire Galen Weston, un gars de bien... Toronto, qu'on aime aimer. Ouais. Qu'on aime vraiment l'aimer, lui. Okay, lui, okay. On l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est Torontois, là, Les Ontariens possèdent les épiceries du Québec, c'est ça que tu dis? Oui, exactement. Genre, ceux-là, en particulier, oui. OK. Pas tous, mais ceux-là, oui. Mm. Donc, à partir de ce moment-là, il s'est ramassé où ce que mes parents ont juste fait comme « fuck off, on va prendre l'échec, puis retournons à Baldwin Mills, que nous sommes 20 habitants et à profiter de la vie. Okay. » Mais il y avait 40 ans, un peu comme moi en ce moment, et ils ont juste commencé à prendre de la drogue puis à être dépressifs. Fait que salut papa, salut maman. C'est clairement pas vrai, mais c'est pas grave. Le bout de la dépression. Les drogues dures en région, on connaît ça. Dures? Non, mais c'est soft, aussi. Là, on est dans le bois, quand on est. Tout le monde fait pousser du pot puis du moche, là. Ouais, là. J'avoue. aussi, je m'en aide. OK, donc ça arrive. Moi, pendant tout ce temps-là, j'étais aux études. Justement, j'étais en études en musique à Sherbrooke. Rien à voir avec l'entrepreneuriat. Toi, t'as un non, pas du tout. Moi, j'étais parti de là parce que justement, mon père était connu comme Barabbas dans Passion. Là, et bonne Pâques à tout le monde. Mais... Les références Barabbas, c'est incroyable. J'ai rien compris. Je sais pas ce que c'est. Barabbas dans Passion? Non, c'est quoi non, ça? Non, Barabbas, c'était le gars qui a été sauvé sur la croix quand Jésus était sur la croix. Oh genre. My God, OK. Fait que, genre, puis il est peut-être connu comme Barabbas parce que c'est le dude qui a été sauvé au lieu de Jésus, genre. C'est legit, c'est ça, genre, wow. Dans l'histoire, dans le grand schème de l'histoire catholique. Donc, moi, j'étais en musique, je faisais mon petit train va loin. Je voulais pas être vraiment dans l'entrepreneur. Je voulais pas être... associé justement à l'entreprise de mes parents parce que justement j'étais associé à l'entreprise de mes parents genre comme tu ça travailles t'es le gars tu te sens pas valorisé en tant qu'humain genre quand tu te fais comparer que dès que tu réussis ou tout ce que tu fais genre c'est comme on le sait bien toi hein, ton c'est père c'est à cause de ta famille oui ça, oui et... effectivement ouais. Donc à partir de là moi j'ai juste fait comme fuck off de toute façon merde moi je veux devenir philosophe jouer de la musique et voler sur des tapis volants genre c'est comme moi je voulais être complètement ailleurs. J'ai réussi à le faire, mais à un moment donné, ce que j'ai comme pas compris, c'est qu'en musique, les gens te payent pas. Non, c'est ça, c'est pas très payant. C'est comme... Ça paye en bien genre, quand tu réussis ouais, bien. Ouais, c'est ça, genre, ben, ça, c'est cool. Genre, ouais, c'est ça, ça aide. Tu veux savoir ce que la bière a commencé? Exactement. Là, genre, c'est comme ça, à partir de là que j'ai intellectualisé mon alcoolisme. Mais... mais... merde, je m'en vais tellement partout. C'est très beau. Je vais te laisser reprendre, j'ai perdu mon fil. Ben non, c'est ça. Fait que la musique et tout. Puis là, j'imagine à un moment donné, oui, tes parents, exact. Ils ont fait musique, check. Je vois que tu t'en vas dans le mur, puis en prison, avec les sidatiques, ou tu t'en viens. Et puis, ils t'ont-tu fait un ultimatum, genre? Non, pas du tout. C'est moi qui leur en ai fait une. Ah ouais? Parce que justement, à m'emmener. J'étais en musique, j'ai travaillé pour Frito-Lay, man. Je trouve ça très drôle que les Doritos, genre, je livrais les Doritos. Oh, Hostess Frito-Lay, là, des fois, vous partiez sur des chiffres, nommer toutes les chips, c'était qui, genre, je peux toutes les nommer, je les livrais. T'as-tu livré des Hostess dans le temps? Ben oui, c'était Hostess Frito-Lay dans le temps. C'est pas juste Frito-Lay, t'avais encore le Hostess oui, avec, les deux logos dessus. Avec le petit bonhomme Hostess. Le petit bonhomme Hostess, man, on dirait que c'était le gars qui a fait Juste pour rire, genre. Il ressemblait vraiment à ça, genre. Oui. Je les aimais, ces bonhommes. Jamais ça, donc j'avais ça et à base moi mon métier genre métier je suis boucher genre moi j'ai toujours travaillé dans la viande et c'est quelque chose c'est pour moi je trouvais ça important que c'est un rebound n'importe quoi qui va se passer dans ma vie je peux toujours me trouver une job à au moins 30 piastres de l'heure que genre je vais être capable d'amener du pain ça puis avoir puis de la viande sur la table genre pour moi ça a toujours été comme n'importe quel stitcher que je vais faire ça je l'ai c'est mon métier ça changera pas. OK. Donc j'avais trois jobs plus l'appartement tu sais plus l'école plus toutes mes affaires faut que là m'emmener moi là, genre tu travaillais à l'épicerie. Non, je travaillais pas à l'épicerie, mais j'avais une run de chips, j'étais bouché. Okay, puis là, j'étais bouché, je travaillais la partout. Une run de chips. Je faisais le Costco à 5h du matin, puis même des fois, je me disais de jouer à de la musique qui était à 3h du matin. Là, genre, je n'ai pas conduit. non, OK, qu'est-ce que tu dis? Donc, à un moment donné, je suis allé voir mes parents, j'ai fait comme doute. Genre, moi, en ce moment, genre, j'ai trois jobs, je travaille comme un hostie défoncé, puis j'arrive pas. J'arrive juste pas, genre ça fonctionne pas, je me brûle, j'ai pas d'argent. Puis vous autres, vous êtes clairement genre pas bien dans la situation que vous voulez trouver quelque chose, vous voulez vous en aller, genre vous voulez vous valoriser parce qu'à 40 ans, eux autres ils faisaient comme jouer au golf avec du monde de 70 ans. C'est ça, c'est ça. Toutes mes chums travaillent, c'est normal. Chris, t'as 40 ans, t'es à retraite, ça marche pas, tu sais, c'est pas supposé là. Mais là, on peut-tu dire un chiffre de ce que ça représente ça, genre dans les 7 chiffres là, se faire racheter ton épicerie de même par l'Aubla là. Ouais, genre il aurait pas besoin de travailler le restant pour de la journée. Pour vrai, je vais être très transparent par rapport à ça. J'en ai aucune idée, j'aurais même pas posé la question. Okay. Tu vois à quel point. Mais il était relax. La maison était payée. Tout était payé. Puis tout il y avait de la bière dans le fridge. Mais tout tu vois, eux autres, beau, c'est des entrepreneurs. Tu sais. Mais eux autres, ils ont parti de rien. Ils ont parti de rien. Puis là, tu gagnes. Tu y arrives. Moi, j'aimerais ça que ça m'arrive un jour. On t'achète mais mon entreprise. Mais il n'y avait pas le sentiment qu'ils ont gagné. Eux, ils étaient fâchés de ça. Même, ah ouais? Parce qu'ils restaient. Lui, eux autres, il y avait des projets. Là. Eux autres, ils avaient acheté le voisin à côté. Ils s'étaient associés avec la coop pour créer sa coop à terre, faire du stationnement, tripler l'entreprise. Genre, eux autres, ils étaient en train. Il investissait genre 2-3 millions dans ces années-là genre pour upscaler tout ça. Puis l'Aubla est arrivé, c'est comme non, ça marchera pas. Puis on te rajoute. Puis merci, bonsoir. C'est le fun, t'as de l'argent live. Ouais, mais ça, il en voulait comme plus. Puis continue, il était bien. Il était vraiment bien. C'était les kings de la côte. Là, genre, il était les rois de la montagne. Là, la vie était belle. Là, genre, puis il était connu comme Barabbas dans Passion. C'était les kings. Puis. Fait que là, toi, tu leur as dit, arrêtez de vous droguer dans le bois, ça a plus d'allure. Moi, non, c'est ça. Hey, les jeunes. Moi, yo, les jeunes, faites plus ça, s'il vous plaît. J'en peux plus avec ma run de chips. Là, tout le monde fait comme, ton père me doit de l'argent, si. Tu vas vendre des clubs de contrebande dans ton truc de chips, sinon je te casse les jambes. Hey, mais les chips, là, tu pouvais-tu garder, genre, les écraser pis des defects? Ouais. Ah ouais, man. C'est ça. Il y a pas un livreur de chips qui fait pas de l'embonpoint. Ah c'est non, c'est ça. Ou un problème de cœur. Parce que t'es toujours en troc, tu bouges un peu, mais il y a ton chip sur le sac. Tu ramasses toujours. Puis là, les chips, mais pendant un bout de temps, on avait Quaker aussi, parce que Fritos avait Lay's, c'était PepsiCo. Puis fait PepsiCo, là, ils ont Quaker. Temps, les petits crises de biscuits d'avoine, de bord de dépanneur. Ça, personne en achetait. Fait que j'avais comme plein de passés dates, parce que j'avais toujours ma boîte de biscuits d'avoine. c'est malade. Oh donc, à partir de là, on fait comme, OK, cool, on fait ça, on avance un peu. Le premier, on arrive, on fait une offre sur une épicerie à Sherbrooke, un métro. On a jeté un métro, tout est acheté, tout est fait, tout est réglé. Et il y a une particularité que généralement beaucoup de soit franchiseurs ou soit entreprises font, c'est qu'ils ont un premier refus. Tu sais, exemple, toi, tu vends Rétro Montréal. Ouais. Là, tu fais comme... Non, quelqu'un veut me l'acheter 1 million, je dis, mange la main. Non, c'est pas vrai. Mettons, tu vends une franchise, oui. Rétro Montréal, à quelque oui. part. Oui, oui. Et tu vends ça à un gars, ou une fille, ou tu sais, un humain. Tu vends ça à un humain, puis cet humain-là, c'est à lui que tu vends. Tu fais comme, toi, genre, je sais que t'as la place, t'es exactement dans le spec, c'est ce qu'il faut, important. Genre, c'est ça. Tu peux pas vendre ça à n'importe qui, c'est ta business, c'est ton image. Mais là, lui, il fait ça, là, il te fait ça, il t'amène la business plus loin, tout va bien, t'as un bon partnership, puis il fait comme, d'autre, moi, je m'en vais, je vais revendre la franchise. OK. Puis là, il vend ça à Joe Blow que tu connais pas. Ouais. Non. Là, tu ferais là, comme, ça marche n'importe pas. Quoi, il met les murs bleus. Ouais, c'est ça. Puis, non, mais là, genre, tu veux éviter ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets une clause de premier refus. OK. Tu fais comme, moi, tu viens de vendre ça, ben, je vais te lâcher ce prix-là. Ou puis moi, je vais trouver un acheteur. Mais genre, tu t'arrives avec une entente comme quoi, genre, c'est ça le prix, c'est ce que tu as eu. Moi, je te rajoute ce prix-là, puis je me trouve un autre acheteur. Et généralement, dans les entreprises, surtout les alimentaires, c'est ce qui se passe. OK, OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté, puis que finalement, il y avait quelqu'un d'autre qui avait un métro proche qui a décidé que lui, il en voulait 3 métros et pas 2. OK. Donc, qui a pris ce shot-là, puis de toute façon, ça a bien fini, parce qu'après ça, on s'est reviré de bord, puis IGA nous voulait aussi. Donc, on a acheté notre premier IGA à 3, j'avais 21 ans. À Valco, magnifique région de skidoo. C'est là qu'on fait les skidoo. Ouais. Les meilleurs. Les skidoo, non, on fait plus skidoo, on fait les spiders. Non, les skidoo sont plus. Ah, les spiders. Ils font du montage, ils ont plein d'autres trucs, genre. Puis genre, props à la gang de Valco. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, puis des gens fort sympathiques. Puis quand on a acheté ça en 2008, est-ce que c'est passé en 2008? Il y a eu comme un crash économique. BRP avait congédié à moitié du monde. On a fait comme, on vient d'investir dans une épicerie, puis plus personne dans la ville. Ouais. C'est parce que c'était de la mono-industrie. Ouais, là, on était comme tabarnak. Genre, tout le monde a quitté Valcourt. Tout le monde avait été crissé d'or. Là. Ah, man. Puis là, il y avait ouvert. Snapchat. Ouais, c'est. On fermait la shop! C'est ça pareil, est-ce-tu? Je faisais du dumpster diving chez Alex, ouais. Ouais. Juste pour bien comprendre, là, vous aviez un métro? Non, on n'a pas eu de métro. On avait fait un offre sur un métro. Notre offre a été achetée par quelqu'un d'autre. Okay, okay, il y a eu la clause de premier refus a été utilisée par vous. Métro. Oui, exact. Ah, OK. Exact. OK, je pensais que c'était l'inverse. OK. Fait que là, à la place, vous avez acheté un IGA. Oui. OK. Excuse-moi, c'est bon. Ouais, puis le IGA, c'était on se l'est fait reprocher beaucoup. C'était un ancien terrain de baseball qu'on a construit dessus. Fait que là, les gens ont fait perdu là, les leur enfants terrain pouvaient de plus baseball. Jouer au baseball. Il y avait 3 autres terrains en arrière. Non, t'as détruit mon terrain de baseball. Il y a 2 personnes qui m'ont dit ça. J'ai trouvé ça très drôle. Puis là, c'était quoi ton rôle, toi, avec tes parents au sein de l'entreprise? Moi, c'est comme, c'était de l'exécution. Moi, j'étais les bras, le cœur à l'ouvrage. Je travaillais tout le temps. Là. C'est 6h du matin. Tu checkais les commandes. Pendant un bout de temps, je faisais de la charcuterie. On avait une agence SEQ. Tu fabriquais la charcuterie. Oui, ouais, puis je faisais les horaires, puis je faisais la SEQ aussi. Pendant un bout de temps, j'étais gérant de viande. J'ai géré la viande, plus la SEQ, plus les ressources humaines, plus toutes ces affaires-là. Là, tout. C'est-tu un bon moment pour partir les photos? Les photos que tu nous as envoyées du IGA sont-elles raccord avec Non, non, parce que c'est ceux-là de Granby. OK. Vieilles, tu nous diras quand ça sera le temps de partir. Ben, parce qu'on a des photos. On a la caméra est pas partout. D'ailleurs, la qualité vidéo, je comprends pas. On comprend pas ce qui se passe. Fait qu'on a 2 choix. Soit qu'on reboot l'ordi, puis peut-être que ça fixe, mais là, j'ai parti un record live comme sur l'ordi. Fait que je vais faire du montage après pour le monde. Fait qu'on devrait avoir un show qui se tient peut-être après. Garde Gator, j'avais combien d'employés dans ces années-là? Si. J'en avais 70 ou 80 juste pour celui de Valco. Peut-être un petit peu plus, ouais. Mais à la fin de 80 tout personnes ça, dans une épicerie d'une petite ville comme Valco. Ouais, mais faut que tu comptes là-dessus. Il y a quand même beaucoup justement d'étudiants que tu gardes sur le payroll pour que quand ils reviennent, qu'ils vont faire des petites heures. Fait que tu sais, à la fin de tout ça, ta liste est longue, mais actif à tous les jours, tu te ramasses avec une quarantaine d'employés. OK. Mais à la fin, avec mes 2 entreprises, dont justement celui de Granby qui était beaucoup plus gros, j'avais comme 300 quelques employés. Là. Toi, tu gérais. Parce qu'après, vous en avez acheté un autre à Granby? Ben, ce qui s'est passé, c'est que celui de Valcourt, on l'a runné pendant 6 ans, c'est à peu près 6-7 ans. Puis c'était bien cool. On a eu du fun. On s'est fait la main. On a appris à connaître la bannière. Nous autres, IGA, dans ce temps-là, c'était notre compétiteur. Okay. On connaissait pas ça, IGA. Ouais, nous autres, on était provigo. C'est des patates, là, puis des bartendes, c'est la même affaire. Ah non, mais c'est pas. Il y a des subtilités. Genre, pas les mêmes programmes. C'est pas les mêmes offres de produits. C'est pas les mêmes. Il y a beaucoup. C'est juste le système de commande, le système de caisse. Beaucoup de choses qui changeaient, beaucoup de choses qui se ressemblent, mais il y a toujours des particularités. Il y a beaucoup de détails. Dans le commerce de détails, le détail, c'est important. C'est vrai. Tout est dans les détails. Donc, tu sais, le temps de faire tout cet apprentissage-là, faire tout ça, on a fait comme cool, mais genre, on aimerait ça comme avoir deux ou genre quelque chose de plus gros, peut-être, parce que c'est bien cool Valcourt, mais genre, Valcourt en ce moment, il... Ça soque. Non, c'est pas... Quand on sort de l'épicerie, ça soque. C'est pas que ça soque, mais c'est comme, il y a pas d'autre maison qui va se construire, il y a pas genre... Il y a pas d'expansion possible. C'est ça, la possibilité d'expansion, puis c'est comme, on est trois encore en santé, qui est capable d'en donner, puis de faire grandir l'entreprise. Donc, on parlait avec notre partenaire Sobase dans ce temps-là, puis on a trouvé un accord comme quoi qu'on a eu un offre pour acheter celui de M. Jean-Yves Lefebvre aux Galeries de Granby, qui est l'ancien Steinberg, puis un des premiers jeux extra des Galeries de Granby, qui avait vendu à quelqu'un d'autre d'ailleurs et que nous, On a close de première. Tout ça, c'est raccord, genre. C'est comme si tu te la fais faire une fois, t'as fait quelqu'un. Ça me fait penser à la close shotgun un peu. Mais moins nocif. Ça fait. Ça fait aussi mal. Quand il y a un prix d'affiché, c'est comme bon, ben parfait, je te prends ce prix-là. Exact. Donc, à partir de là, et nous, ce qui s'est passé, c'est que le IGA de Valcourt, on l'a vendu à notre compétiteur, que lui a fermé la compétition pour racheter. Qui est un Intermarché. Ouais. Donc, lui a fermé son Intermarché puis a acheté le IGA, donc il se ramassait tout seul. Donc, c'était win-win pour tout le monde. Genre. OK, c'était votre compétiteur là-bas qui vous a racheté, il a fermé. Ouais, exact. Il a mis fin à la... OK, fait qu'il a tout ramassé d'une certaine façon. Ouais, puis en même temps, moi, j'étais heureux, lui, il est heureux, tout le monde est heureux. Il gagne le monopole de Valcourt, l'Intermarché. Est-ce que combien ça suce, ça, l'Intermarché, sur une échelle? Sur l'échelle de Bristol, là, ce qu'on voit. Sur l'échelle de Bristol... D'après moi, c'est un 3. Non, je sais pas. Je mentionne ça parce qu'on en avait un à Saint-Joseph-de-Beauce. Non, mais il y en a partout, métro, c'est des beaux. C'est devenu un Intermarché. Mais Intermarché, tu vois, ça appartient à Provigo, donc ça appartient à l'Aube-là. Ah, ben voilà. Monsieur Neveu, Monseigneur Neveu. Oui, Bonichois. Bonichois, c'est un IGA. C'est un confrère, IGA, ça. C'est un ex-confrère. Un ex-confrère. C'est intéressant. Chris, tout est dans tout. Ben oui. Ben ouais, les belles personnes, ça rejoignent toujours aux mêmes places. Le beau monde, ça tient toujours aux mêmes places. Est-ce que c'est hot? Mais là, toi, t'es-tu comme un esclave? C'est tes parents qui prennent, tu sais, toutes les décisions, puis Jason, tu fais ci, tu fais non, ça. Tu travailles comme un hostie défoncé. Ben, au début, oui. À la fin, non. Mais en même temps, c'est ce que je voulais faire. Je faisais mes classes, puis avoir quelqu'un, puis des gens comme ma mère puis mon père qui avaient autant de connaissances et de l'instinct. Ils se sont bâtis de rien. Genre. Ils sont partis avec un petit accès parce que dans une ancienne shop psycho. Ils ont parti de rien. Genre, puis là, on était rendu à se bâtir une empire. C'est vraiment du self-made. Ils ont travaillé très fort pour ça. Puis, pour moi, c'était de passer du temps avec eux. Parce que veux pas, pendant une bonne partie de ma jeunesse, je les voyais pas parce qu'ils travaillaient tout le temps. Pour moi, c'était une façon de rattraper du temps avec eux. Puis en même temps, c'est de profiter, c'est du mentorat qui existe pas. Genre, c'est du mentorat tellement important, des gens qui ont réussi, qui connaissent le shit. Puis que t'es là, genre, day to day avec toi, genre, puis qui sont capables de dire, hey, le jeune va chier, genre. Tu sais, c'est. Puis moi aussi, je peux dire, hey, le vieux va chier. Puis c'est comme, on est capable en famille, on est capable d'être beaucoup plus vocal et moins pincé que quand on est avec un partenaire ou avec quelqu'un d'autre, qu'on va être un petit peu plus marché sur des œufs. Des fois, c'est comme un regard, tu fais comme, ok, c'est beau, j'ai compris. Tu sais, ça va pas mal plus vite comme ça. Puis ça se paye pas, genre, ça, c'est comme, c'est le succès. Là. Ah, ben oui, totalement. Mm-hmm. Donc, esclave, non. J'étais rémunéré, très bien rémunéré. Donc, esclave, non. Est-ce que j'ai travaillé fort? Oui. Mais eux aussi, ils ont travaillé fort, puis on a investi des choses autrement. Par exemple, mes parents étaient rendus à un âge où... Ils s'en crissaient. Non, ils étaient zen. Il y avait une sagesse acquise. Eux autres, l'après-midi, c'est pour aller jouer au golf, c'est vrai. C'est comme l'après-midi. Genre, j'ai comme... La liste de job est encore... Ça dépasse, je suis rendu là. Genre, c'est ça. Mais à cette époque, rendu là, t'habites à Granby, t'as acheté une maison? Ces années-là, je déménage à Granby, effectivement, je prends mon parka de... je prends mon parka de Valco, je prends ma bagosse, je monte la 112, puis je m'en vais vers Granby. Je monte à Granby, effectivement. Là, je déménage à Granby, c'est genre 20 minutes. Exact. Donc, ouais, j'arrive à Granby, je vis là pendant un bon bout de temps, jusqu'à un moment donné où ce que... on se retrouve dans une situation où ce que autant mes parents que moi, on est dans un crunch où ce que moi je me sens plus épanoui parce que ça devient trop routinier. Genre exact. La job est trop routinière. Exact. Mes parents aussi sont trop routinières. Puis là je le sens que tu sais pas que la flamme s'essouffle, mais que t'es juste comme crissement moins habile, moins intense. T'as moins le feu là, t'es sur le pouce control. Puis tu sais c'est comme moi aussi je commence, je joue pas au golf, mais genre moi aussi je commence à jouer au golf là, genre un après-midi, je vais aller grinder mon bonhomme à Scoden. Genre c'est comme tu deviens un petit peu plus lâche par rapport à ça. Ou je vais aller visiter une brasserie, aller voir mes chums, je vais cette semaine il y a un release à telle place, je vais aller en chercher pour les magasins, tu sais c'est comme amener l'utile à l'agréable. Ouais. Puis, fait que là, on s'est consorté. On a fait comme, ben, on va en acquisition. Genre, soit il y en a un des trois, ou soit je vous rachète, puis soit moi je m'en vais, ou soit on fait de l'expansion et genre je m'en vais acheter un, on trouve un autre magasin. Okay. Donc, à partir de là, on est allé en prospection, puis on a réussi à trouver le magasin de Saint-Césaire qui est à 25 minutes de Granby, sur la 112 toujours. Donc, on est monté un petit peu plus à 112, vers Montréal. Ouais. Et là, à partir de là, j'ai acheté le commerce de Saint-Césaire. Toujours, oui, l'entreprise avec mes parents, mais j'étais comme 100% avec ma conjointe du moment. Puis là, j'ai déménagé à Saint-Césaire. Là, j'ai fait tout. Fait que là, là j'ai passé une bonne partie de ma vie. Le grand adulte sérieux qui a commencé là. Le king de l'épicerie de Saint-Césaire. Grand adulte sérieux, genre d'un, je suis toujours pas. Non, ben, on l'est pas personne là, mais. Qu'est-ce qu'on fait externe, c'est comme. Et tu sais, veux pas, mon premier commerce, je l'ai acheté, j'avais 21 ans, genre, n'était-ce pas déjà un grand adulte sérieux, même si je l'étais pas, tu sais, c'est comme ça. C'est ça. Ah ouais, ok. Fait que là, t'as plus tes parents avec toi dans cette épicerie-là. Avec tu lui... peux prendre une gorgée en passant. Là. Je sais qu'il y a du pâle sans le dire. Je sais. Fais-toi pas. On remercie d'ailleurs Milter qui nous raid avec son Party of One. Milter fait toujours ça. Rétrochaîne dans le chat qui parle de speedrun. On va en parler un peu après tout ça. Là, on va se garder 15-20 minutes. Ouais. Je me doutais bien qu'on allait parler de jeux vélos et de vélocité. On a une question de Galgator. On a souvent malmené les épiceries dernièrement à cause de l'inflation à des prix à la hausse dans l'alimentation. Mm-hmm. J'aimerais entendre son point de vue, si c'est possible. Ça, c'est parce que vous êtes des trous de cul ou vous avez un contrôle là-dessus? Oui, littéralement. Écoute, en ce moment, je suis très riche, merci. C'est ça? Non. À la prochaine. Ce jambon tranché fin, là, c'est pas paye. Dans le Non, mais c'est quand même assez complexe. Puis, tu sais, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les épiciers, généralement, les épiciers, surtout quand vous voyez soit des GA ou des métros, dès que vous voyez un nom sur la bâtisse, faut pas que vous oubliez genre que c'est une famille, que ça, c'est des épiciers, des indépendants. Ouais. C'est des gens genre qui ont la tête sur la bûche. Puis que quand tu vas dans une autre type d'épicerie, que ce soit, exemple, justement, les Maxi de ce monde, les Super C, on est plus dans du modèle corporatif parce que c'est la bannière qui gère ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une personne, il y a un intervenant de plus qui va fluctuer sur le prix des aliments, genre, d'être un indépendant. Mais en même temps, il y a le gros, tu sais, la marge de profit alimentaire à la fin de toutes tes affaires. Là. Moi, genre, mon closing, là, ma barre noire dans le bas de mon livre à chaque année, là, c'était moins de 1%. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, j'avais... À vendre tout ça, à gérer tout ça, la masse salariale, le maintien, les pertes, mais les pertes, c'est une perte. Tu veux pas avoir de pertes. Fait que, tu sais, quand j'entendais parler, il gaspille plein de stocks, c'est comme... Ça, je veux qu'on en parle aussi. Genre, on en gaspille, mais non, on en gaspille pas parce que chaque gaspillage est une scène de moins dans mes poches. Je l'ai payé, je veux pas le jeter. Genre, c'est pas volontaire. C'est soit un problème de gestion, soit c'est un problème de produit, soit c'est un problème d'approvisionnement. d'approvisionnement. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent fluctuer, mais à la fin de tout ça, il n'y en a pas un tabarnak qui a le goût de le jeter. Genre. Ben c'est impossible. Il n'y a personne qui fait comme « m'en calisse ». Mais vous faites quoi avec ça d'abord, mettons? Ben mettons moi, ce qui est périssable, là, ben easy. Moi, là, ben moi mettons ce que je faisais, périssable, easy. Il y en a beaucoup. Là, il y a eu beaucoup de trucs genre flash food, des choses comme ça, où ce que les jeunes par Internet peuvent commander des produits, qu'ils soient qui passent date ou qui vont être proches, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je faisais, j'avais des chefs dans mes magasins, fait que je faisais beaucoup de produits transformés, tout ce qui est prêt à manger, tout ça. J'avais ça, c'est quelqu'un. Payant, ça. Mais un, c'est payant, puis deux fois plus payant parce que tu gères une perte. Ouais. Tu gères un produit que c'est. Mais en même temps. Tu es en train ça. De dire que vous mettiez le vieux, le vieux stock dans les sandwichs. Ben quand même, hein, tu commences par la fin. Ben vieux, il se consomme. Ouais, genre, ouais. C'est pas de la vidange. Ton prêt à manger, non, mais mettons, dure pas deux semaines. Mettons que le salami dure une semaine, tu prends pas celui, tu prends le plus vieux qui est pas mort encore, mais qui a deux jours de prêt à manger dans le corps de possible. Puis après, ben si t'as pas réussi à le passer là, c'est terminé. Ben, c'est tout dépendant de ce que tu peux faire avec, parce que tu ben beau vouloir faire du yogourt en prêt à manger, faut que tu apprennes des gens qui l'achètent. Faut que tu sois capable de le marketer puis de le vendre, ce produit-là. Mais ou sinon, moi, j'avais beaucoup de moissons qui venaient. J'avais des produits, genre justement les moissons Grambé ou qui passaient, qui ramassaient tous les produits, puis après ça, ils allaient donner aux gens dans le besoin. Okay, okay. Ça, c'est des crédits d'impôt, genre? Non. Il paye ce monde-là? Ouais. Non, il ne paye pas. OK, that's it. Non, tu le donnes. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la sauce. Ça, c'est ça au vidange. Exactement. Ça, c'est comme ça me permet de dormir le soir en me disant que j'ai fait un bon travail de citoyen corporatif. Ben, fait que là, dans le fond, tu penses que ça représente quel pourcentage de pertes environ? Les pertes, c'est moins d'1%. OK, quand même. Oh, je pensais que c'était beaucoup plus que Non. Total, full. Mais non, parce que à la fin de tout ça, comme je t'ai dit, le bénéfice dans le bas de la ligne, c'est 1%. Pour l'épicier, là, quelqu'un qui fait bien ça, c'est 1%. Quelqu'un qui fait moins bien ça, c'est dans le négatif. Il y a du monde qui, en ce moment, qui gère des épiceries qui font pas d'argent. Ouais, ben écoute, je suis pas surpris. Là. Mais tu sais, nous autres ici, on a un chiffre d'affaires. Puis, non, là, c'est des cassettes, man, ça périme pas, ça. Ça périme pas, ça c'est bien, mais on en vend beaucoup. Mais Chris, on a des dépenses, là. Ben oui. T'sais, fait qu'à la fin de l'année, là, ma ligne noire à moi aussi. Ben là, man, ça se paye ces griddle d'or-là que tu vas me poser. Ces Mercedes-là, man, ils sont pas de mon cul, ben il faut les acheter. fait que non, c'est pas évident. Mais. OK, mais je pensais que vous aviez plus de pertes que ça en épicerie pour vrai. Le pain, Steve, tous ces pains. Mais le pain, c'est en vente garantie. OK. Le pain, c'est en vente garantie. Fait que les fournisseurs, ils le reprennent. Le pain commercial, c'est en vente garantie. Fait qu'ils repartent avec. Après ça, eux vont en disposer, mettons, dans les moissons, des choses comme ça. Le pain de boulangerie, ben des fois, on va leur travailler en pain perdu. On va faire de la transformation. Ou, tu sais, tout ce qui est gâteau, des choses comme ça. Moi, je gardais ça congelé. Ouais. Vous avez 1000 gâteaux de fête dans le présentoir. Chris, vous n'avez pas en vendre autant. Ben, j'en avais pas 1000. Non, mais j'en avais 2000. Mettons, il y en a 20, là. Puis celui bleu, là, vous le vendez pas à un moment donné. Chris, dans le congé, j'ai toujours un gars qui va à chasse à l'eau qu'il veut. Il y a toujours un gars qui veut une poubelle pour aller tirer sur un our. Mais pour vrai, pour un our, les our. Man, il goûte le gâteau après. Ben oui, c'est malade. Mais est-ce que, tu sais, comme ça, c'est-tu comme ton stress, tu sais, en tant qu'épicier, là, la gestion des pertes, est-ce que ça représente une grosse partie de ta job de comme. Oh les shit, on va non, tout le temps tout perdre. Non, ce que tu faut que tu t'assures, c'est que tes opérations sont adéquates. En ayant des bonnes opérations, ça minimise tes pertes. Puis l'enjeu, puis le danger là-dedans, justement, de la perte, il y en a beaucoup qui font ça, de la gestion de perte. C'est parce que, oui, c'est du bottling, c'est du gravy, genre, tout ce que tu retires de ta perte, ça va dans le profit, genre, c'est systématique, c'est automatique. Mais quand tu fais ça, tu te concentres plus ses ventes, tu te concentres juste tes pertes. Exact. Tu n'es pas créatif sur tes ventes, tu ne checkes pas les nouveaux produits que tu pourrais rentrer. C'est un danger. Dès que tu fais ça là-dessus, c'est comme tu es déjà en train de tomber parce que tu regardes le négatif. Exact. Tu t'en vas dans. De la gestion de pertes, c'est jamais un bon. C'est important, mais c'est du point de vue des opérations, c'est pas du point de vue de la mentalité ou de la mission d'entreprise. C'est beaucoup plus de profit à bien vendre que à gérer tes pertes. Là. Oui, bon, exact. Oui. Très important. Puis c'est beaucoup plus stimulant, on va se dire. C'est bien certain. Justement, les vachons relancent les croquettes. Là. Ça serait-tu un bon bet, ça, à avoir dans une épicerie présentement, d'après toi? Probablement, parce que Vachon est en vente garantie. Fait que plus tard, tant que tu veux, quand ça passe dedans, t'es repart avec, c'est lui qui repaye. C'est comme les Limited Run ici. Ouais, là, c'est ça. Fait, ils reprennent après six c'est mois. Ça, si t'es vend pas, ils repart avec. Fait que oui, c'est... genre, rendu en tant que tu veux, mon chum. Là, on va parler d'un autre aspect aussi qui m'intéresse beaucoup et dont tu as été quand même vocal, je crois. Les hosties de consignes. Bonjour. Salut. Alors, je t'ai vu là, dans une espèce de backstore là, à deux étages entouré de millions de sacs de canettes et de consignes. Peux-tu nous expliquer là, le chaos de tout ça? Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux expliquer ce qui se passait. Explique-moi c'est quoi votre réalité de gérer les consignes. Je peux expliquer ce qui se passait, mais en ce moment, je ne sais plus ce qui se passe. OK. Parce que j'ai vendu, il y a eu une modification sur les consignes et je ne l'ai pas vu passer. Genre, la modification est arrivée, il me restait 6 jours, genre. Ah ouais? Fait que j'ai juste fait fuck up, je m'en calisse, genre, arrange-toi avec, genre. Okay, fait okay. que non, c'est. Puis ça a été une des motivations pourquoi j'ai vendu. Ah ouais? Je voulais. Man, tu gères des poubelles, man. Tu gères des fucking poubelles. C'est ça. Tu devrais pas faire ça, là. Mais là, c'est ça, explique-moi la chose, là. N'importe qui arrive avec un sac de n'importe quelle canette. Toi, t'avais-tu des machines que l'on rentrait dans? Oui, j'avais des machines. Des machines, ils coûtent 35 000, là. Ouais, ouais, on a puis ça. Tu là. Les achetais avec ton argent. Ouais, ouais, tu les achetais avec ton argent, mais ils me disent, bon. Pardon. Il va avoir des subventions, il va avoir. Non, c'est une hypothèque, Calis. C'est, okay. C'est une hypothèque. T'es rentabilise comment? Ça se rentabilise pas. C'est pas d'argent que ça. Tu là. Fais pas une calisse ben. De cernes. Mais t'es obligé de tenir ça? Ben oui, parce qu'il faut que tu le reprennes. Si, ah ben t'as oui, pas... parce que tu vends des canettes. Parce que si tu reprends pas la machine, si tu fais pas ça avec la machine, ça va être quoi? Tu vas avoir un staff en avant qui va tout le temps prendre ça. Puis là, c'est comme après ça, faut que t'es crush. Là, c'est comme après ça, le salaire de tous ces humains-là qui va gérer ça va coûter beaucoup plus cher que la machine. C'est comme ça qu'ils vendent ta machine. Ouais, ok, ok. Ouais, j'avoue. Là. Mais ce modèle-là, il est parfait. C'est un modèle-là, gars bien fort, genre qui se. Ouais, c'est des ça, canettes. Sauvé sur le sous-payé. Écoute, tu le sous-payé Hugo Girard là, pour le ben, il y a déjà un contrat avec BMR. C'est vrai. On peut pas. On y échappe pas. On peut pas. Mais j'aurais pu justement m'inscrire avec une ligue de lutte. Genre, tu sais, il y a les scouts qui en ballent. Il y a les gars de lutte. On se sent dire le tabarnak avec les mecs. Fait que non, pour vrai, la consigne, c'est quelque chose qui m'a géré beaucoup de temps, qui m'a pris beaucoup de stress, qui m'a fait chier, man. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Assez pour pendant un bout de temps. J'ai fait quand même un peu de lobbying avec l'Association des détaillants d'alimentation du Québec, comme quoi qu'on faisait de la représentation auprès des épiciers paliers gouvernementaux qui représentaient justement les épiciers indépendants, pas les grandes franchises, pas justement les Maxi du Monde, les genre, okay. Vraiment genre épicerie, dépanneur, vraiment tenu par une famille, t'es genre t'as un nom, ça bâtisse. Ouais, c'est pas, ça. Mais de toute allégeance, tu peux être Métro, Provigo, name it. Donc, puis on faisait surtout le fait de se regrouper. Ça permet de pouvoir avoir du faire du lobbying, d'aller pouvoir faire un plus grand représenter un plus grand nombre de personnes quand tu vas justement au gouvernement faire comme « Yo, man, ton affaire, ça marche pas. » Puis ça, on l'a fait, puis finalement... Personne vous a écouté. Ben, il y a quelque chose. Là, ses propos ne représentent que les miens. j'aimerais mieux... Je pense que tu peux partir les photos. Je vais spécifier. Ouais, tu sais-tu, on est-tu dans le IGA de Granby? Bon, il y a déjà été dans l'IGA de Granby, mais on oui. On va y aller, là, un peu. C'est le site du Québec, parce que c'est beaucoup de canettes. Pendant un bout de temps, qui, eux, pendant ces années-là, n'étaient pas consignés. Parce que ce qui est consigné, c'est le liquide et pas le contenant. OK. Fait que la bière était consignée. T'arrives dans un 473 de bière, c'était consigné. 473 de cidre, pas consigné. Parce que c'est le liquide qui est consigné, pas le contenant. OK. C'est absurde. Yes, man, c'est pour ça qu'après ça, ça devient un hostie de bordel. Ou des belles sections, ça. C'est poulet en crapotine, là. Mais ouais, moi, ça ouais, me parle ouais, le petit piri-piri, là. Ricardo, il est pas prêt. Ricardo, il est pas prêt. Nos jokes parlant de Ricardo. Ça devait être la bonne business, les produits Ricardo. Ben, tellement qu'ils l'ont racheté. J'ai racheté Ricardo. Ah ouais, ok. Ouais. Il est rendu en pixel, là, fait que c'est. Il n'existe plus, je pense. En ah fait. Oui? Ricardo, il est juste en dessin. Il a racheté Pixel. Mais non, mais il est en... Peut-être aussi, en fait. Ouais, j'avais une brûlerie de café aussi. Ah, ça, c'est cool. Ouais, je faisais torréfier mon café et j'avais justement des produits Gaouettes. C'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de Gaouettes. Ça a été longtemps une marque de commerce. Parce qu'au lieu d'avoir, genre, mettons, pâté maison, ouais. sandwich maison, c'était comme... Sandwich c'était gouette, tout était gouette, puis tout était comme brandé, genre. Je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais faire ça dans les deux magasins, je vais le brander, puis pendant un bout de temps, j'étais comme... J'étais viré fou, là. J'ai comme, je vais en acheter 8 magasins, je vais avoir un C1 avec... une shop de sandwich qui va vendre pour tous mes magasins. Ah ouais, ouais, c'est comme genre, c'était ça. Comme le la Switch était dans le tapis. Puis la pandémie, la dépression est arrivée. Fait ah ouais. Ben, pourtant, la pandémie. Ben, attends, on va finir cette planète. Là, ouais, là, tu vois, t'as vu à quel point je l'ai dodgé, cette question-là? Ouais, genre, okay, je vais faire des picots, là. C'est bon, non, non, c'est correct, tu vas faire continuer. Mais là, c'est, t'avais un clown qui allait vider ces fucking machines-là, plein de canettes écrasées continuellement. Oui, ben oui, puis là, à un moment donné, tu dis, mais on suffit pas à la demande, il faut que j'investisse un autre 40 000 de machines parce que le monde arrive, puis là, ça fait des gros line-up oui, oui, dans oui. mon entrée. Là, dans pas long, il va falloir avoir du verre aussi. Là. Fait que ouais, là, il y a des machines crushers de verre. Ah, my God. Et ça fera pas les, de gens, les gens qui vendent ça tombera pas vraiment. Ça, c'est un bel business. Aussi qu'ils sont bons, man. Ah, puis c'est quoi, c'est norvégien ou... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Genre, des machines c'est... à crush la, ah, le, mais ils sont ailleurs, man. Ce monde-là, ils sont vraiment ailleurs. Là. Ah, eux, genre... Eux dépensent beaucoup d'argent à Monaco, genre. Eux sont capables de se payer des affaires demain. Pour vrai, là, ils sont comme... Ah ouais, le crusher le verre, on a tout ça, la machine pour crusher le verre. Puis là, tu vois, c'est safe, le verre va être poli. J'ai comme... Man, mon employé va ramasser un truc qui va peser 8 tonnes de verre crushé. Tout le monde ici trouve que c'est normal. Genre, tout le monde ici, vous avez le consensus comme quoi que, ben oui, si ça donne un marché à la machine. Je suis comme, dude, on vend des aliments. Ouais. Notre métier, c'est de prendre des aliments de consommation humaine et de les donner à des humains afin qu'ils restent de consommation humaine. Ah. Puis là, vous me crissez de la poubelle qu'il faut que je gère, puis je gère un centre de tri puis de recyclage. C'est pas oui, ma c'est ça, job! Ça, là. C'est pas ma job, man! Genre, c'est pas ça que je voulais faire. Si je voulais faire ça, je m'en partirais un hostie de centre de tri. Ça a l'air payant, man. God Junk, le gars qui a parti ça, il fait de l'argent en tabarnak. Ah, ouais, ouais, mais ouais. C'est pas ça que je veux faire. Ouais. Impose-moi pas ça. Ah, j'avoue, hein. Fait que là, mais t'as pas le choix. T'es big, man. C'est l'Empire Gaouette, là. C'est gros. Fait que le monde, ils vont direct chez vous avec leur canette. Là, non, mais... Allez ailleurs! Mais t'as pas le choix. Non, moi, j'étais juste que... Puis il y a beaucoup... C'est pour ça que c'est très polarisant comme... parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de trucs d'environnement, il y a beaucoup d'études par rapport à ça. Puis je les comprends, puis je les respecte. Tout non, ça. Non, mais comme, ça, en même temps, juste, c'est pas à toi. Juste un mètre, mais en tant qu'entrepreneur, ça fonctionne pas. Et deux... Chris, on a tout un bac bleu, man. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'est facile de mettre ça dans le bac, genre, tous les produits, justement, de l'aluminium, qu'est-ce qui vaut cher? Mais qu'est-ce qui vaut cher, c'est ça. Ils vont juste... Ils payent déjà, les embouteilleurs. Ils payent déjà une taxe qui paye le recyclage. C'est comme... Ouais, ouais. Au pire, charge plus. Ou charge plus au consommateur qui va... Je sais pas, mais ben trouve une façon. Sa machine, aussi, ouais, genre, qui t'enlève ça de tes impôts, tu sais, je sais pas quoi. Bac bleu, puis revalorise la matière. Fais des recherches, fais du... C'est parce qu'ils ont pas l'argent de l'aluminium. Ouais. Qui sont pas capables de financer le reste du stock, tu sais. Parce qu'ils ont juste le reste de la vidange. Parce que ce qui vaut de l'argent... On le récupère. Puis c'est comme c'est normal, c'est ça le principe. Mais j'arrête ça. Dernière question pour finir par rapport à ça. Ça sentait-tu à la merde? Des fois oui, des fois non. Généralement, c'était pas trop oui. pire quand même. Ben, c'était pas de gestion de merde. Mais c'est parce qu'on était. Moi, fallait gérer mes souris, fallait gérer toute l'innocuité. Ouais. Faut que tout ça, ça reste. Il y a de la transformation, il y a des aliments, genre tout autour de ça, il y a des gens qui manipulent des aliments. Il y a un code. Fait que c'est comme, j'ai toujours une bombe de poubelle, puis des aliments autour. Puis ouais, c'est tout ça. Tout ça, c'est correct. Ouais, non, c'est de même, ça marche. C'est correct. T'as juste tes canettes ailleurs, tu vois. Ah ouais, hein, c'est ça. Tu prends tes canettes, puis tu vas les porter chez les gens qui. Moi, je les crée sur recyclage. Moi, legit, là, moi, je suis... Ben, moi aussi, je les mets moi, je les pogne, je les colle sur recyclage. Moi, c'est de la dissidence totale, anarchie, fuck tout. Fait que là, vu que t'étais à bout, là, qu'est-ce qui a fait là, que c'est, ça s'est terminé, ces épiceries-là? Là, là t'es King Gaouette du IGA de Granby. Et de Saint-Césaire. Et de Saint-Césaire. C'est j'ai vrai. Racheté mes parents, on est rendu là. Là. Il n'y a pas besoin de passer là-dessus aussi. Là. Genre, j'ai racheté mes parents, je suis rendu tout seul. Comment tu fais pour racheter tes parents d'ailleurs? Tu fais un chèque. T'as le cash flow pour faire ben, ça avec ton 1%. Dans l'entreprise, j'ai emprunté. Là. J'ai emprunté, j'avais une partie de l'entreprise. J'ai eu une balance de prix de vente aussi, qui se sont gardés, qui est tout à fait normal. Et en même temps, c'était rassurant avec Sourbase que si, mettons, moi, je tombais sur une chire puis je décidais que je vendais des AK-47 dans le magasin, et ils vont juste faire comme « Va-t'en, petit Chris, on va reprendre tes parents. » C'est bon, ça. C'est bon, parce ça. Qu'ils me trustaient pas trop et ils ont bien fait parce que oui, j'ai vendu des AK. Non, c'est pas. Backstore. Après les consignes, les gars n'étaient vraiment pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'une balance de vente, en fait, comme dans le jargon, c'est quelque chose de très commun. Oui, c'est hyper commun. En fait, en affaires, c'est que tu t'entends sur un prix et puis tu payes une très grande partie maintenant et une autre partie, genre plus tard. Ouais, puis à partir de là, il y a un intérêt. Dans 5 ans, je vais te payer le 500 000 qui reste. Puis t'as des intérêts là-dessus. Exact. Exact. C'est une pratique courante. Fait que là, t'avais tout ça, puis un moment donné, t'as cessé. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, tu sais, je vivais tout ça, tout allait super bien. Pendant j'ai crashé out, man. J'ai toujours été un très gros Rocker League. J'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, 15 millions de projets. Justement, j'avais l'ODA où que je faisais de la représentation, j'avais ces réseaux sociaux, j'avais justement les bières, Gawit, j'avais toutes mes marques maison que je partais, j'avais mes entreprises, ma famille, deux enfants, une femme, genre une maison, des voisins, des gens. Tout ça, par un moment donné, ça a juste, j'ai pété au frère. Littéralement, genre, la soupape a pété. Diagnostic burnout. Là, genre, littéralement un burnout. Mais un burnout, quand t'es entrepreneur, c'est genre, tu peux pas juste appeler le boss, faire comme ouais, non, je t'en arrête. Non, ça marche pas de même. J'ai tellement peur de ça. comment t'as géré ça? Des amis m'ont aidé beaucoup. Mon ex-conjointe, la mère de mes enfants, m'ont aidé beaucoup là-dedans aussi. Là. C'est pas une des raisons pourquoi est-ce qu'on s'est séparés. Mais donc là-dessus, props, elle a été très bienveillante par rapport à ça. La médication, la méditation, la microdose. Il y a eu beaucoup. mais je veux dire, par rapport aux affaires, là, Chris, c'est une grosse Je me suis engagé. Non, j'étais toute seule. Je me suis engagé un bras droit solide. Mais Chris, faut qu'ils apprennent tout live. Mais ils connaissaient déjà ça. C'est comme j'étais quand même bien entouré. Je m'étais monté une petite bonne équipe. Puis l'avantage que j'avais, c'est que j'avais des bons piliers parce que j'étais en mode expansionniste. J'étais en mode prise de territoire. Je voulais avoir d'autres magasins, donc en ayant une autre équipe, toute cette équipe-là, mais j'étais en train de placer mes pions pour genre, OK, là, lui, je vais l'envoyer là. Quand tu es toujours en train de penser à ça, c'est comme ça. J'étais dans ce mode-là, puis là, du jour au lendemain, j'ai passé de ça à je suis en boule fétale dans mon lit, puis j'ai de la misère à ouvrir les yeux parce qu'il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image, plus rien fonctionne. Fait qu'à partir de là, eux les avoir, c'était hyper important. Puis ça m'a aidé beaucoup, ça m'a aidé à passer à travers au moins 6 mois, 1 an, à pouvoir reprendre le dessus. Mais ça n'est jamais revenu. J'ai plus jamais eu la hargne, le désir de conquête. Puis de genre tout ce que ça te prend, parce qu'en étant. C'est très insidieux être entrepreneur. Je suis quelqu'un d'un peu très artiste, un peu tendance gauchiste. J'ai beaucoup d'idées divergentes par rapport à tout ce que les entrepreneurs du HEC ou les bien-pensants peuvent penser. Mais dès que tu n'as plus le couteau entre les dents, dès que tu n'es plus genre toujours en train de foncer, ben ça s'écroule. C'est plate, mais est-ce genre que ça s'écroule. Est-ce que ça s'écroule ou on peut juste maintenir le statu quo puis être heureux? Parce que moi, j'ai le couteau entre les dents en tabarnak présentement. Mais et genre, je me dis, un moment donné, fais-les, tu vas le voir. Dans le mur. On fera un podcast puis après. Je pourrais aussi. Bienvenue à faillite vite. Et me contenter, tu sais, je le sais pas. Oui, là, c'est une question que je me suis posée moi aussi. Genre, on peut prendre ça cool pour ça? Non, genre, la machine veut que ça aille tout le temps plus vite, puis genre, c'est toi que ça broie. Puis c'est correct, genre, c'est. Puis il faut juste être. Résilient et conséquent par rapport à ça. Juste fait comme, avant que tout ça se plante, j'aurais pu continuer genre à vivre mes shit, puis tout ça, ça aurait été une longue agonie où ce que tout le monde est en train, genre, puis c'est comme, tout le monde a été malheureux, j'aurais perdu toute mon équipe, j'aurais juste fait comme, tire la plug, merci, bonsoir, je peux encore avoir un bon chiffre, je veux vivre autre chose, je veux m'épanouir. J'ai regardé, j'ai fait mes calculs, j'ai dit, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent si j'avais vendu dans 4 ans ou 4 ou 5 ans. Okay. Je serais vraiment tombé genre dans le pinpoint où c'est que genre, OK, c'est beau, genre je vais aller chiller avec les gars Thomas à Monaco. Ouais, ouais, c'est ça, le gars du verre qu'on casse. Je peux m'acheter une action de eux autres maintenant. Une petite belle action. Mais non, je suis juste quand même, faut juste chiller tout ça. Ça a duré combien de temps, ce breakdown-là? Le breakdown m'a duré. Il a duré 6 mois. Après ça, pendant un bout de temps, il y a eu comme une partie de pandémie et la pandémie m'a relevé, genre. Okay. La pandémie m'a fait comme. Genre, c'est comme le sentiment d'urgence, c'est comme ils ont besoin de moi, c'est toute une catastrophe partout. Ah ouais, genre, ouais. Ça prend un leader, ça prend quelqu'un qui est capable de prendre tout ça sur ses épaules, d'amener le projet, puis d'encourager tout le monde, parce que tout mon staff était découragé, même mes partners, justement, tous les gens qui m'aidaient par rapport aux opérations, eux autres aussi. Je sais, comme si vous autres, vous êtes découragés, Calis, c'est sûr que tout le monde est découragé. Ben oui, c'est faux. Fait qu'il fallait faire la mascotte, puis toujours être comme, « Hostie, là, genre, on va trouver ça, là, on va, genre, c'est comme toujours encourager tout le monde. » Ouais. C'est comme, se relever vite, genre, en hostie, là. Ben, oh non, mais ça, c'est littéralement brûler la chandelle de l'autre bord. C'est littéralement. Faut que la partie de là, après ça, c'est comme, il n'y a plus aucune conséquence. Et je m'étais, ben, pas conséquence, mais il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Puis, pendant un bout de temps, je m'étais justement installé. J'avais commencé à faire les chiffres, puis j'avais regardé. Puis, c'est comme, veux, veux pas, mon IGA à Granby commençait à être très désuet du point de vue des équipements, du point de vue de tout ça. Et j'avais comme, quoi, 8 millions à investir dedans? Tab, ouais, OK. Pour le remettre en shape, pour le mettre comme du monde. Tu vois, là, en ce moment, je pense qu'ils vont mettre 6 millions. Puis, tu sais, c'est comme, okay. Mon projet est un petit peu plus gros, mais tu sais, 6 millions, il va être super beau aussi, genre, puis il va être très opérationnel. Donc, à partir de là, j'ai fait, si j'embarque là-dedans, je me rattache encore pour 7-8 ans. Ouais. Et genre, je me rends pas à 7-8 ans dans ces conditions-là. Je vais me tuer avant. Genre, ouais. Ça marchera pas. Genre, je sais que ça ne pourra pas marcher. Donc, j'ai juste fait, OK, c'est bon, on tire la plug. J'ai trait à vache assez longtemps. J'ai assez de lait, j'ai assez de peanuts dans mon arbre. J'ai assez de noisettes dans mon arbre. Fait que t'as vendu. Ouais, donc j'ai vendu. J'étais un hostie de vendu. Ouais, t'as bien fait. Mais puis au niveau personnel, tu disais que tu étais séparé, sois bien à l'aise, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, non, j'ai une conjointe, je pourrais pas sortir avec toi. Ah, okay. Ben, c'est correct. Ah, mais toi, Jeff peut-être. Ouais, ben oui. Jeff est célibataire. Ben oui, ben oui. Shit, man. S'il vous plaît, mesdames. On me dit dans le chat, les artefacts visuels reliés à la résolution. Je pense que c'est le bitrate, là, en fait, là, mais je peux pas le changer live sans arrêter. Ouais. Là, ouais. D'après moi, c'est un raid de pixels parce qu'il n'existe plus. C'est peut-être ça. Le choix du stream max est de 360. Ok, ben, je sais pas. Tu t'es-tu séparé en même temps que ce burn-out? Oui, littéralement. Là, oui, littéralement. Ça branlait un peu dans le manche. On était 15 ans en couple ensemble. Ouais. On a deux enfants. L'aventure, on l'a suivi, on l'a eu ensemble depuis. C'est une bombardier de Valcourt, mais pas ceux qui ont de l'argent. Okay. Je le savais pas au début. C'est la joke que je faisais tout le temps. Séparation, faut dire aux enfants, comme dépression. Ah, mais non, les enfants, ils catchaient. Là, genre, à un moment donné, quand je suis parti de la maison, ils ont juste. Ils savaient, genre, puis c'est avec papa, maman. Ça marchait plus, genre. On a très bien réussi notre séparation. Tout ça va très bien. Je pense qu'on a plus réussi notre séparation que notre vie de couple. Ben, quand même, 15 parce que ans, c'était pas que de la merde. C'était pas que de la merde. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, là. Mais on était deux personnes très dévouées à la tâche. Deux et la tâche étant genre partir une entreprise, fonder fonder une famille, les enfants, leur offrir du confort, leur offrir de l'amour, à ce niveau-là, tout ça a toujours très bien fonctionné jusqu'à un moment donné. Genre nous, humains, que ce soit du point de vue sexuel, que ce soit du point de vue de câlin, de vie de couple, ouais. On s'était égarés, là. Ouais. Tu sais, on le faisait... T'sais, pendant un bout de temps, elle a écouté à TV en haut. Moi, j'étais dans le sol en bas. J'étais en train de checker des speedruns, de monter un setup d'Elgato pour savoir comment est-ce que j'étais capable pour true streamer et pour être sur 360p comme GF fait. Ouais, c'est... Les plus basses résolutions, c'est pas ça. Ça serait pas sans bris. Ça aurait pas été du 240, on est chanceux. Là. Oh boy. OK. Fait que là, on est rendu là à ta vie. Puis là, ça va mener à la suite. Mais là, on va parler de Lagerbrau. Oui. La bière. Mais en parlant de Lagerbrand. On est dû en tabarnak. Moi, il y en reste plus beaucoup. Il y a ça sec que le cul en tabarnak. Là. Amène les oranges, les canettes oranges. S'il vous plaît, c'est la les petites oranges. Non, la nouvelle. Ben oui, puis non, on en reparlera. Fait que bref, t'es un amateur de bière. On l'a vu dans les photos de ton épicerie tantôt. Donc, t'as développé une section importante. Oui, depuis Valcourt, les premiers. J'étais dans les premières épiceries. Grande surface à rentrer de la bière de microbrasserie à aussi grande échelle et à leur donner la place qu'ils méritaient. Genre. Exact. Moi, c'était le prime spot réfrigéré que généralement, c'est comme Labatt ou Molson qui sont là. Moi, c'était comme Donham, puis des petits chums du coin, puis les bières que j'aimais. Là. Puis t'es-tu fait taper ses doigts à cause de ça ou quelque chose? Non, j'ai juste fait moins d'argent pendant un bout de temps. Là. C'est ça, je me demandais. T'as fait ça par passion. Ben, tu t'es dit, fuck, moi, je vais le développer, ce marché-là. Par passion puis par dissidence. J'aime ça. Je sais que j'aime ça mettre la marde. Ah, ben, t'as bien fait. Fait que, bref, ouais, là, t'as peur. C'est quoi qu'on a là? C'est une. Ça, c'est la Keller Pills, ça. C'est une Keller Pills. Ouais. Parfait. Exact. Donc, Monroe, c'est un autre brasseur avec non, qui... Non, pas du tout. Donne-moi 30 secondes, je vois juste... j'ai chaud. J'avais... Hey, un beau chandail de Sukoden. Je pensais que c'était une joke. Il y a vraiment un chandail de Sukoden. Moi, je pensais que je venais parler de Sukoden pendant 2 heures de temps. Ah, c'est ça. Pauvre Jason, il pensait qu'on allait faire un show régulier puis qu'il allait comme embarquer. Moi, j'ai dit non. On parle que de toi pendant 2 heures. Écoute, j'avais la micro-analyse de chaque texte. Non, c'est ça. Non, mais je suis désolé. Puis j'aurais peut-être dû être clair par rapport à ça. Mais, t'as pas été désolé, mais moi, ça me fait plaisir de te plugger avec ça. Ben, écoute, parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Puis c'est ce que je vais essayer de faire avec les invités ici. Comme explorer les backgrounds. T'sais. Les jeux vidéo, on en parle, c'est le fun. Mais généralement, on est ici. Mais oui, mais tu sais, je veux pas que ça soit le main focus du show, en fait, étrangement. Mais c'est quand même le main focus du show. Mais quand j'ai des invités, c'est parce qu'ils auront autre chose à parler que de jeux vidéo, en fait. Okay. Peut-être qu'il y en aura un moment donné que ça sera juste jeux vidéo. Là. Mais toi, t'avais tout ça, puis tout ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ouais. Là, fait que ça, dans le timelapse, le chat, on garde ça. Dans fait deux épisodes, quand tout ça, ça n'existera plus, le timeline de ce qu'il veut faire, genre, on en reparlera. Ah non, tout ça va exister, là. Moi, c'est ça que je veux maintenir. Cheers. Fait que, donc, t'étais amateur de bière. Ben, on va goûter à ça. Oui. Yep. Donc, en ce moment, vous dégustez la Keller Pils 100 jours. Dans le fond, c'est une lager de foncé. Type Keller Pils. Pas tant foncé que ça, mais c'est parce qu'on l'a fait, on l'a passé en baril. OK. On fait le lagering en baril de bois. Les barils de bois, on a fait un coating intérieur. Dans le fond, au lieu de le laisser plein de bois, que généralement c'est du bois torréfié ou des choses comme ça, exact. Selon le type de torréfication qu'on fait. Nous, avec Alex, dans le fond, qui est un de mes partners, Alex Ganivet, qui il travaille chez justement Moreau, Tonnellerie Moreau. Okay. Donc on a traité. Ah, c'est une tonnellerie. C'est une tonnellerie, oui. Donc on a traité l'intérieur des tonneaux comme en République tchèque faisait à l'époque. Avec une résine de pin, cire d'abeille, mélanger tout ça, pour s'assurer qu'il y ait moins de porosité, moins de contact avec le bois, donc aller chercher justement un peu moins de vanilline, moins de côté torréfié du bois, mais un contact pendant 100 jours. Et la prochaine qui s'en vient, d'après moi, va être excellente, parce que ça, c'est notre deuxième qu'on a faite avec notre procédé, justement. Ouais. La première qu'on a faite, c'était une 60 jours. Et on a fait moitié bois régulier, moitié avec la résine. Parce qu'on avait une grosse question qu'on se demandait, c'est pas le pain. Genre, parce que c'est très... Il y a beaucoup d'odeur et beaucoup de saveur dans le pain. Ouais. Payen, pas payoyen. Pas le pain perdu qu'on parlait tantôt. Non, c'est ça. Genre, pas multi... Groupo bimbo, mec. Qui, genre, fuck, man. Dis-moi que t'es genre... Francis, ton nom, tu sais. Genre, Groupo bimbo, genre. J'ai découvert il y a pas longtemps que c'était, wow. C'était un nom, ça. C'est le plus gros boulanger mondial, ben, je le sais, man. Je t'avais à Sainte-Marie-de-Beauce, puis il possède les gâteaux. Vachon. Oh oui, c'est même ben plus c'est écrit ça. Vachon, ça va. C'est Groupo Bimbo. Ah non, j'étais triste. Laisse Vachon, okay. Ça bâtisse. Ouais. Donc... On a une question intéressante. Peut-être tu pourrais y revenir tantôt dans le chat. Si les lagers, c'est la bière la plus chère à brasser. La plus chère à brasser, non. Ça, c'est une bière chère à brasser, oui, parce que le truc que ça prend pour faire des lagers, c'est du temps. Et du temps, ça coûte cher. Exact, hein, c'est ça. On a tendance à penser, parce que c'est une bière dite blonde, là, qui a de l'air blonde, puis que c'est une bière... Là, je vais être très vulgaire, là, mais qui goûte la bière. Tu sais, tu comprends? C'est pas... Alors, mais on take, la vulgarité! C'est pour parler aux gens. Je vais peut-être quitter le show. Non, mais tu comprends? Mettons, moi, mes parents, ils boivent la Budweiser Light ou whatever, puis ils pourront pas boire une IPA, mais ils pourraient boire une lager. Ben oui, mais ils boivent déjà de la lager. Ben, non, mais oui. Mais je veux dire, de micro, mettons. Mm-hmm. Ça passerait. Ça serait mon beau-frère. Il boit que de la Coors Light, puis de la Bud Light, ouais, puis de la Michelob Ultra. Mais ici, mettons, il y a la Pils de tantôt, ça serait proche. Ouais, serait capable. Non, puis il y en a des bonnes lagers style justement américaine, des American Lagers qu'on appelle. C'est, maintenant, c'est comme ça revient. Genre, c'est cyclique. Oh, oui, ça revient totalement. On est retour là-dedans. Fait que c'est un style qui se veut au goût, mettons, plus classique des gens non initiés qui veulent une bière qui goûte la bière. Ouais, mais ouais. C'est... extrêmement plus raffiné que ça. Oli est là. Salut, Gani. Gani Sauce. Gani Sauce. C'est Alex. Alex Ganivet, oui. Qui travaille à Tollerie Moreau. C'est Monsieur Moreau lui-même. Non, c'est pas Monsieur non, Moreau. Non, mais je veux dire, c'est ton partenaire qui travaille. C'est le tonnelier. Oui, c'est le tonnelier et ancien brasseur chez les Trois Mousquetaires. C'est comme ça. Non, c'est un brasseur, un vieux de la vieille, là. Ah ouais, c'est ça. Hein? Ben ouais, j'avais vu ça. En effet, que c'était un ancien mousquetaire. Un ancien mousquetaire. Bon, là, ta blonde, ton épouse, veut que t'expliques le lagering. Bon, non, je ferai pas de lagering splaining. Pas le lagering splaining. Ben, t'es-tu capable de le faire de façon courte? Non, je suis pas capable, c'est pour ça. Bon, OK. Fait que là, lager brown. Mais je vais continuer par contre ce que j'ai été. Donc, avec le coating de, si vous vous rappelez bien, avant toute cette interlude, nous étions dans les barils. Et les barils, justement, avec le coating de pain et toutes ces choses-là, on se ramasse avec le fait qu'on voulait pas avoir trop de résine, trop d'odeur, trop de goût, trop de phénol organoleptique qui vient de la résine de pain ou de la résine d'abeille ou tout ça. Genre, puis. Fait qu'on a fait moitié-moitié. Et le moitié-moitié, 60 jours, goûte plus que le 100 jours. Okay. Que là, on a fait 75-25. Okay. Parce qu'on s'est dit, on poussera pas la shit. Puis finalement, on aurait dû pousser la shit. Parce que même lui, encore, vous le sentez, il y a encore un côté vanillé. Il y a un petit côté, genre, un peu, pas rhum, mais tu sais, vraiment d'alcool, ouais, de, genre, ouais. Avec un vrai côté vanillé qui est pas supposé, qui vient littéralement du bois, genre, parce que ça, dans le bois, ça passait pendant 100 jours, puis il y a eu un transfert de phénol et d'odeur et de goût, et de tout ça, genre, avec. C'est scientifique, il y a des gens qui connaissent ça. Je le sais pas. Je le dirais pas scientifiquement. C'est quoi? Non, je mais c'est correct. Mais ça goûte ça. On comprend. Donc ça goûte moins que la 60 jours. Et la prochaine qui s'en vient va être 100% old school, résine, comme dans le temps, genre, qu'il n'y avait pas de frigo, qu'il n'y avait pas de cuve double sel avec du glycol pour réfrigérer tout ça. C'était okay. Dans des tonneaux de bois, les premières lagers qui ont existé. Ouais. C'était dans des tonneaux, et pour pas que ça goûte le bois, ils faisaient ça. On est rendu là. C'est ça que vous voulez faire. On est très geek. Vous êtes très geek ça, là, dans des niaiseries de même. Vous genre, autres dans, nous, dans... de l'argent, on n'en veut pas. Non, c'est genre. Ça. Là, dans le style que vous faites, ça, c'est super intéressant parce que... Et d'ailleurs, tu parles d'argent. J'ai vu, je pense à Salut Bonjour, l'ancien sommelier, je pense qu'il est oui, sommelier. Oui, Sylvain. Sylvain, oui, de Unibrew. Un très bon ami qui nous a plugué deux fois, je pense, en plus à Salut Bonjour, sans qu'on y en parle. Exact, ouais. Exact. Puis il parlait de vos bières, puis il disait à quel point c'était comme dans le style, genre pointu, top-notch. Puis les gars font pas une scène avec ça, là. Mais ouais, c'est incroyable, leur produit. Sur la vie de Chepney. Belle visibilité. Sur la vie de Chepney. Les gars sont pauvres, comme... de la bonne bière. Puis là, après ça, c'est drôle parce que je suis allé sur le site de TVA, puis les commentaires. Puis c'est vrai qu'il fait pas d'argent. C'est tout ce que t'as retenu, toi. Genre, OK. Non, mais c'est parce que je trouve que ça met en lumière. Que ça se travaille une bière, tu sais. Puis oui. Vous allez très loin là-dedans, genre. Mm-hmm. Puis c'est votre passion. C'est votre créneau, en fait. C'est ce que vous vouliez. Ben, c'est ça le créneau, Lager Brown. Tu peux nous l'expliquer? Oui, ben, Lager de Lager. Puis Brau, c'est brasserie, brassage, brasbier. C'est un mot tchèque. C'est allemand. Allemand. Okay. Et qui veut absolument, c'est comme brasserie bière. Brasserie bière. Genre, on a envoyé ça à un chum en Allemagne, puis il a fait comme ça veut rien dire. comme, parfait, okay, on va avec ça. Mais ça veut-tu, est-ce que c'est insultant? Genre, est-ce que ça sonne comme autrichien avec une petite moustache? Fait comme non, ok, parfait. On y va. Parce que des fois, on envoyait des trucs, faisait comme ouais, non, ça, tu le sais pas, mais il y a comme ok, c'est bon, on va pas là. Ah ouais. C'est important d'avoir des contacts. Ben, oui, parle pour valider tes affaires. Une langue que tu veux utiliser du point de vue marketing, parce que c'est clairement marketing. Genre, il n'y a pas. Non, c'est clair. Puis là, dans Lagerbrau, vous êtes trois. Il y a un tonnelier. Oui. Il y a toi. Là, oui, qui sert à rien. Puis il y a Olivier qui sert à tout. Olivier c'est Charbonneau, le brasseur. Olivier Charbonneau, c'est le brasseur. C'est notre. C'est notre soleil. S'il n'était pas là, on n'existerait pas. Genre. C'est quoi son expérience? Il a beaucoup d'expérience. Il a été longtemps chez Lagabière. C'est un brasseur amateur de fou. Genre, il était dans le cercle de brasseurs amateurs. Il a toujours été là. En ce moment, c'est le maître brasseur chez Shelton, Brasserie Shelton. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on est rendu là. Pendant un bout de temps, on brassait parce qu'on n'a pas de brasserie. On conçoit des recettes que généralement, on veut aller brasser. On a travaillé longtemps. Les premières recettes qu'on a faites, c'était chez Avant-Garde à Montréal, que j'adore, que j'étais allé juste avant de venir ici. Oui, j'étais arrivé de là, j'allais manger une pizza. J'osais avec. Je pense que tu avais fait un événement en plus avec Retro Montréal. Ouais, avant la COVID, on avait fait un bière et cassette, là, genre de vente de jeux, et puis on des soirées. Une soirée de gaming. Oui, il y a deux TV cathodiques à vendre, si ça vous intéresse. genre, ils m'en ont parlé encore chante tantôt. Ah, ils sont à vendre. Ouais, j'ai deux TV. Ah, ben ça, c'est intéressant parce que là, il avait lancé un concept de gaming les mardis. Mm-hmm. Puis, il t'en a-tu parlé tantôt? Je me sens que j'ai vu que j'avais fait un événement puis tout, puis j'avais déjà spoté pendant qu'on allait brasser là-bas, justement, j'avais spoté en arrière il y avait un setup avec deux TV des 64 puis des affaires de même. Exact. Là. Donc il y a un beau Rutilant Ikaruga sur GameCube. Oh shit. Mais moi aussi je serais parti avec. Exact. Mais là, c'est parce qu'il lançait un événement le mardi, tu sais, de gaming en collaboration avec nous, mais là il commençait avec leur stock et puis finalement ça fait genre 3 semaines qu'ils font plus. Ouais, non, mais je pense qu'ils ont pas été. Écoute, je vais pas parler pour eux autres, mais je pense qu'ils ont pas été satisfaits. De toute façon, j'étais comme, man, c'est un événement de gamers, puis les gamers, genre, on veut pas voir de gens, on veut jouer aux jeux vidéo. Ben, oui, c'est pas non, vrai, en même temps, j'ai bâti un empire là-dessus. Ben, un très petit empire, là, mais. L'empire bourré. Exact. Non, mais je suis la preuve que le monde aime voir du monde pour jouer à des jeux vidéo. Oui. Mais donc, tu me confirmes sans que. Écoute, je sais pas. Salut la gang. Salut, gars. Spoilers. Clown. Je sais pas. Hashtag coating de pain dans le chat. Ah, c'est ça. J'adore. Coating de pain. Coating de pain. Donc, tu brassé chez Avant-Garde, puis là, vous êtes chez Shelton. Oui, mais on a brassé chez Avant-Garde pendant un bon bout de temps parce que justement, on aimait les gars, on savait qu'il y avait besoin de. Il y avait du temps de brasse de disponible, on avait des cuves de disponibles et il y avait des maudites belles cuves horizontales. Ouais. Genre, tu sais, t'as les cuves faites verticales, puis t'as les cuves horizontales et les cuves horizontales. Pour le lagering, c'est parfait. Genre. C'est comme l'équivalent d'un 5 screws sur un cassette. Pour le geek side of the shit, c'est important. Okay. Je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est la compression, le fait qu'il y a plus de surface, t'as moins de pression barométrique qui va rentrer. Fait que genre ta levure est moins stressée parce que t'as plus de. Genre, c'est. Y a moins. Parce qu'en hauteur, ça écrase plus. Ouais, exact, ben oui, parce que t'as plus de volume qui est. Ouais. Fait que c'est comme. Genre, pour faire du lagering, c'est vraiment hot. Genre, c'est comme c'est la Rolls Royce. Puis genre, il y en avait deux, puis on était comme. Genre, peux-tu comme louer un petit peu votre espace de tout ça, s'il vous plaît, les gars? Genre, puis là, on était comme. S'il vous plaît. Puis en fait, comme. OK. Là, on a fait OK. Ça. Puis ça a super bien été, mais pendant un bout de temps, juste pour les premières bières qu'on a brassées, tu sais, là, nous, on est très transparents sur. C'est comme. Celle-là, c'est conçu par des gens ayant en commun une passion beaucoup trop grande pour les lagers de qualité, brassées par Lagerbrau dans les installations de nos amis de la Bièrerie Shelton. Et quand on était chez Avant-Garde, c'était conçu par la Lagerbrau, brassé par nos amis chez Avant-Garde. Parce qu'on ne pouvait pas la brasser. Parce qu'on veut pas, tu n'es pas sur le payroll, tu n'es pas des assurances, tu n'as pas. Il arrive n'importe quel shit. Eux sont dans marde, nous on est dans marde, tout le monde est dans marde. Donc on ne pouvait pas brasser, on supervisait les opérations, on était À toutes les brasses, on était là. OK. Bien souvent, l'encanage, tous ces cossins-là, on était toujours un peu là. Mais on la brassait pas. Là, maintenant, Olivier est chez Shelton. Il est le maître brasseur. Maintenant, Lagerbrau brasse leur bière dans les installations chez Shelton. C'était comme, tu sais, au lieu d'avoir, on voit ça un peu, là, genre les, c'est quoi, c'est Lagabière, je pense que c'est BR222 ou je sais pas trop. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font, qui contractent des bières et qui vont boire dans des brasseries. Mais il n'est pas obligé de l'écrire, fait que là, moi, je m'écris le numéro de permis du brasseur. Genre, assume. Ben oui, c'est comme, assume. Là, okay. Ça, c'est, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est, c'est douteux. C'est juste douteux. j'ai même pas mis ma bouche. Je sais même pas si ton produit est douteux ou goûteux. Je sais. Mais pourquoi il y a une adresse de Schlager puis c'est brassé par Shelton? C'est une petite erreur, ça, peut-être? Ah, celle-là, c'est, oui, celle-là était mal montée. Parce que l'autre est bonne. J'ai oublié de changer l'adresse. Parce que celle-là est l'autre bonne. Est à la bonne adresse. Ouais, c'est Shelton. Ça. Ça, c'est littéralement nous autres. Étienne? Pas un bon graphiste. C'est peut-être coucher, sur Étienne, coucher. Mauvais layer d'ouvert. Non, non, peut-être c'est sa correction. Non, c'est littéralement nous autres, on est crissement. On n'est pas tête. Tellement avec d'affaires, de, man. Pas fait une grosse bière, on n'est pas tête. Sur mes canettes de Mario Paint, genre. Il manque un S à genre les manettes. Et voilà. C'est une coquille de notre graphiste. Ben oui, c'est ça. Ça coûte cher, Antidote. C'est toi qui supervise, Alex, tabarnak. Ouais, c'est parce que dans Illustrator. T'es con, Dieu! Il n'y a pas de plugin Antidote dans Illustrator. Tu ne rends pas dans Illustrator. Trop cher. Antidote, qui utilise encore ça, man? Non, ben, ChatGPT existe. L'autocorrect de mon ordinateur. Fait que, ben, c'est drôle parce que Pixel aussi brassait chez Shelton. Ouais. On met des images vers la fin. Ben oui, parce que Shelton aussi vient de toute cette gang-là. Ben oui, il vient d'avant la garde, lui aussi. Donc la Robinet, c'est drôle parce que c'est la Vichepny. Mais au début, genre, Vichepny, c'est le nom du type de bière, qui est une bière tchèque en basse, qui est vraiment plus faible en alcool. Et ça veut littéralement dire robinet en tchèque. OK. Fait que c'est, puis Vichepny, personne ne comprenait. Fait qu'on a fait comme, bon, on va juste écrire robinet. Donc là, on a la 60 et la 100 jours, comme j'expliquais tantôt. Donc la 60 qui est encore plus goûteuse que la 100 jours. Je trouve ça élégant que vous mettiez un nombre de jours dessus. Ouais, ben, c'est le temps que ça passe. Ça fait premium. Là, ouais, ben, attends, t'as pas vu la prochaine, man. La prochaine, là, c'était d'une beauté. Donc ça, c'est notre logo, un beau Hezetz. C'est quoi? C'est quand tu écris 2S en langue germanique, que ce soit en allemand ou en tchèque, 2S, c'est ce type de symbole-là. C'est ce symbole-là. Ça, on appelle ça un Hezetz. Comme il y a le un autre. OE. Ouais, ouais, exact. Mais, okay. Puis vu qu'on fait des bières de type germanique, tchèque ou allemand, ben c'était comme. Oui, c'est là que ça allait. OK. Ben, c'est le tréma pour le rappel de, qu'il y a un tréma dans leurs affaires. Ouais, c'est ça. Non, c'est très beau. J'aime bien ça. Moi, on aime bien. Ça, c'est notre podcast. Ça, c'est le podcast que je me suis fait dire qu'il fallait pas que je refasse. C'est quoi ce podcast-là? Ça, c'est IPA Podcast. C'était à ses débuts. Ah, hein, ben moi, j'ai écouté là, IPA Podcast. P.A. Méthode. Ouais, pas P.A. Méthode. Ah, mais écouté, c'est pas Méthode. P.A. Méthode, c'est un humoriste. Ah oui, oui, non. Mais P.A., on est allé en Allemagne avec lui, justement. Donc, on a Olivier au centre, on a Alex Ganissos à gauche et moi à droite. Un petit peu plus gras parce qu'un petit peu plus sur les antidépresseurs et c'est ce que ça a fait. Pas tant que ça, quand même. Mais pourquoi ne pas refaire le IPA podcast? Parce que le son est à chier. Non, mais j'étais même tout. Non, c'était juste. Tu veux dire pour un podcast que la vidéo est à chier en ce moment? Non, c'est ça, non, c'est notre faute. Non, mais pour vrai, j'adore le IPA podcast. C'est parce que j'étais allé voir Olivier tantôt, puis c'était pas. Je vais pas refaire le IPA podcast. Il fallait pas que je refasse comme j'étais à ce IPA podcast-là, parce que j'étais particulièrement, un, intoxiqué, et deux, très tannant. Très tannant. Genre. Exact. Fait que c'est comme ça a très bien dérapé. Si vous voulez voir Gawet, ça dérape. Ce IPA podcast-là, il était pas pire. Mais c'est un cool podcast, mais... Mes petites critiques, le son, c'est parce qu'il va, il va à des places. Ouais, c'est ça, le son est deg. Il capte tout. Le son, il est deg. Ça fonctionne pas, tu sais. Je l'ai croisé v'là un mois et c'est littéralement ce que j'ai dit. J'ai dit, man, pour vrai, en ce moment, moi, genre, ton gros enjeu, c'est le son, man. C'est tout ce que t'as à vendre, c'est du son. Ben oui. Achète-toi des micros au pays que les gens tiennent un petit micro. Mais il y a des hosties de beaux micros. Il y avait des zooms, il y a des genre, il y a tout ce genre. Ah, mais ça marche pas. Prends-toi des roads, prends-toi n'importe quoi, genre, mais c'est quand. Ou. Isole-toi, man. Oui, isole-toi. Aller dans une pièce quelque part. C'est cool qu'il est sur place, mais... Trouve-toi un room sharing, je sais pas, genre, trouve-toi un petit trou, genre, va te cacher, genre, mais je veux entendre les gens, je trouve ça pertinent, je trouve ça le fun. Puis tu sais, oui, c'est cool, t'es dans le bar, puis on jase, puis on... Ouais, genre, mais ça, personne le voit, moi, j'entends juste du noise, man, puis je m'imagine le bar. C'est une tonne de groovy hard rock de bar, genre, c'est comme, c'est oui, exact. Ouais. Donc ça, c'est en direct de Saint-Gédéon, mon nouveau vatelin. La bière qu'on boit, mais non, parce que c'est le même label. Fait que là, votre bière... Ça, c'est avec la gang de la Schwab qu'on avait brassé chez Shelton. Ouais. Parce qu'on on fait beaucoup de collabos. On brasse pas beaucoup de bière. T'sais, pendant Comment au début marche? Quand vous décidez de faire un brassin. Ouais, mais au début, quand on a parti, on a vraiment parti en peur. Tout le monde chip-in, on se dit on va faire un brassin, ça va coûter 15 000, puis on va voir si ça vend. Non, c'était déjà plus complexe que ça. Là. On avait déjà un distributeur, on avait un. Ouais, parce qu'Avant-Garde distribue. On avait nos shit aussi, là, tu sais, après ça, parce que moi, il fallait que je fournisse nos fûts, fait que là, il faut acheter des fûts. Ah, vous aviez des kegs, fait que là, on a tout. Il faut que tu achètes toutes tes affaires, tu achètes tes cannes. Des fûts. Des bras, des bars, là, genre. Lesquels? Genre pas Arcade Montréal. Ouais, non, ben je sais parce que c'est pas payant en tabarnak, là. Lesquels sont assez riches pour se permettre d'avoir du luxe de même à côté de bière, le terminal? Ben là. Ceux qui ont des clients. La taverne d'Exune. Pour vrai, j'ai pas la liste, mais oui, on a quand même beaucoup. Il y a un gros volume qui passe en cake, nous autres, là. C'est, ok, ben tant mieux, mon Dieu, tant mieux. Oui, tant mieux, mais en même temps. C'est ça. C'est payant sans light. C'est de la gestion de fugue, de retour. C'est pour ça qu'on est en location. On a des systèmes pour les spotter. Mais les personnes qui sont supposées de scanner les systèmes pour spotter, ils le font pas. Fait que là, tu scannes. C'est plus où sont tes affaires. Il y a beaucoup d'hommeries dans toutes ces affaires qui n'est pas supposé d'en avoir. Mais qui gère ça? Personne, merde, c'est là le problème. De votre bord, de votre côté, c'est un de vous trois. Oh, même réponse, personne. Non, mais Chris, non, c'est surtout, pas vrai, il y a beaucoup Olivier. Olivier, man, c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis, ce gars-là est très important pour nous. Ouais, Olivier gère beaucoup de choses. Alex en gère, Jean gère. On a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses, mais il y a beaucoup de main gestion qui est Olivier. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'on fait pas d'argent, genre, ouais, ou qu'on n'est pas si rentable que ça avec cette entreprise-là, c'est qu'on délègue beaucoup de choses. Genre, on doit déléguer, mettons, avec Bucky qui fait notre distribution, ben c'est à eux qu'on loue les kegs, qui vont aller faire la collecte. C'est comme eux gèrent une partie de ça, nous on gère d'autres parties, puis là c'est comme qui gère ceux qui gèrent. Ouais, c'est plus là que le défi est plus important. Mais les trois, on a un job autre que tout ça. Genre. Non, mais exact. Ben, là, eux, là, moi, j'ai plus de job. Là. T'as plus de job, toi? Non, je me cherche une job, si jamais. Okay. Ben, je pense qu'ils cherchent un boucher chez GE. Tu peux aller travailler chez GF. Chez Young Media. Il y a tellement de budget. Cool, ça me fait plaisir. Le seul problème, c'est que j'ai pas Internet. On le fournit, c'est avec la job. Mais fait que là, quand vous décidez de faire un brassin, c'est comme les gars, on a vendu tous nos robinets, faudra penser à un autre batch. Là. Généralement, on a déjà tous des batchs de pensée d'avance, mais on est des artistes, on aime se créer des affaires, on est toujours en train de penser. Vous êtes en effervescence. À chaque jour, vous vous parlez dans le chat. Quasiment. Dans le Discord, pas vraiment, Discord. On a un Discord de compagnie, puis genre on a tous des onglets différents selon genre ok, ça c'est le marketing, ça c'est Discord, c'est hot, mais pour ça là, quand tu te fais pas hacker là, genre Discord c'est vraiment hot. Ouais, c'est ça. Désolé à tous les gens parce qu'il y a beaucoup de gens de ton Discord qui sont ici que j'ai vu que j'avais envoyé un truc quand je m'étais fait hacker, donc désolé à tout ça, je m'étais fait avoir comme un petit bébé. C'était absurde à quel point est-ce que je m'étais fait hacker facilement. Ton mot de passe, genre, ou c'est... Non, c'était un de mes amis qui est producteur de jeux vidéo qui m'a envoyé un lien puis était comme « Hey, man, je viens de partir un jeu, je veux que tu l'essayes? » Puis j'étais comme « Ah, cool, c'est Manu, je vais l'essayer, blablabla. » Puis c'est comme « Non, c'était pas Manu. Ah, » C'était pas lui qui m'avait envoyé ça. Puis là, c'est comme à partir de là, lui avait pris contrôle de mon truc. Et là, il envoyait ça à tout le monde. Là, j'étais comme « Genre, je me suis couché le soir, je me suis réveillé le matin. Genre, j'ai normalement ce que je fais, là, les humains, se coucher le soir, se lever le matin. En grosse partie, il y en a qui font d'autres choses. on n'ira pas là. Tellement de gags. Là, c'est comme gestion de conflit, de genre, oh shit, man, faut que je gère tout le Discord. Puis là, j'ai comme, à ceux qui m'avaient vraiment répondu, que j'ai vu, que c'est comme, ok, cool, je fais comme, non, touche pas ça. Le reste, j'ai juste comme cancellé. Je n'ai même plus d'abonnement presque à tout. Là. Ouais. Il reste juste le Discord du Hub. Vous devriez vous abonner dans le Hub, gang, pour vrai. Ben oui, c'est beau Hub. Ouais. Ouais. Il y a même un onglet Papa Cassette maintenant. Oui, on a fait ça. Ouais. Oui, c'est un des seuls que je mute pas, en fait. Moi, je trouve que dans Discord, le monde, il part dans fou avec les channels. Là. Ouais, ça, ouais, ben... ça a pas d'allure. Là. Ben, attends un peu, là, le channel animé manga, il est parfait. Ah oui, ben, ah, ben, il y a eu de la demande, ça... je l'ai fait. Ah, mais il y a de la demande, merci, c'est parfait. Merci, puis je le maintiens en vie. Là, la, oui, la gang, il y en a une belle gang, on a une belle gang. Là. Faut, faut que les gens de fassent des sous-threads, là, mais à part ça... Oh, il y en a. Mais là, Fred m'a demandé par la bande, sans me le demander, de refaire le logo, là, mais j'ai pas le temps. J'ai même pas pensé à annoncer le show à soir. J'ai pas pensé tantôt. J'ai une semaine dégueulasse, sérieux, là, c'est tellement stressé. Tellement d'affaires à régler avec l'arcade, mais là, c'est pas mal tout réglé. Bon, ben, on va le faire le logo. Fait que c'est réglé avec l'arcade. Ben, j'ai réglé les affaires. Qu'est-ce qui est réglé avec l'arcade? Tu peux t'en parler? Ben, je peux en parler. Ben là, on avait... Je suis en train de... Hein, ça, ça switch de bord. Ben, absolument. Ben non, mais nous, on avait le prêt à rembourser. Oui. Le 40 000... bref. Ça, c'est le prêt du COVID, genre? De... C'est le prêt de COVID, ouais. Ça. Donc, qui te prête 60 000, puis si tu rembourses 40, ben, tu peux garder 20. Oh, ça, il y avait une date de... Tu savais pas ça? Tu les as pas pris pour tes commerces? Non. OK. Non, bref, parce que nous, on était essentiels, puis on était ouverts, on n'avait pas le droit à ça. Ah ouais, vous étiez essentiels, en effet. Voilà. On était essentiels, mais on n'avait pas le droit d'envoyer nos enfants autres... à la garderie. No joke, man. Ah ouais? No joke, genre, c'est essentiel, vous êtes nos anges, tout va super bien. Puis j'ai comme, OK, cool. Ben, genre, est-ce que mes employés peuvent envoyer leurs enfants à la garderie? Ben non, ça, c'est juste pour les médecins. Puis le genre essentiel, j'ai comme, ben, je suis essentiel. Si, je suis ouvert. Ouais. Je te laisse continuer. God, c'est pas juste. Ouais. Fait que bref, il y avait un délai pour ça. Et puis après ça, il a annoncé un surdélai. Et là, on s'est dit, parfait, ça respire. C'était fin décembre, 31 décembre. Puis là, il y a eu une autre affaire. Il y avait un autre délai qui se pouvait. Que si, avant le 31 décembre, tu faisais, tu contactais ton institution financière, Desjardins, dans notre cas, et puis que tu essayais de prendre un engagement avec eux pour, genre, régler la dette, avoir un prêt de leur part ou whatever, que tu avais l'intention de faire ça, bien là, ça, c'était écrit quelque part dans ton profil, puis tu bénéficiais d'un délai qui pouvait aller jusqu'au 28 mars, donc aujourd'hui. Bah. Et puis, nous autres, on s'est dit, ben, crime, on les a appelés, puis ils nous ont pas prêté d'argent. Fait que, c'est ça. On les a appelés le 27. Mais on les... J'ai besoin d'argent pour demain, s'il vous plaît. Non, ben, on les a appelés avant le 31. Puis là, c'était fait. Puis là, c'est comme. Au moins, on a appelé. L'important, c'est de le faire. Mm-hmm. Et puis, mais eux autres, là-bas, c'est comme, oui, c'est beau, vous nous avez appelé, fine, il voudrait juste appeler le gouvernement. Je dis, OK, j'appelle le gouvernement. Comme, là, c'était le temps des fêtes, man, puis tout. Là, je suis stressé avec ça. Puis là, le gouvernement, il dit, ça prend pas, checkez ça avec. T'as pas besoin de m'appeler, check avec ton institution. Je dis, OK. Là, on rappelle, il y a un autre gars qui dit, ouais, mais non. Là, on était passé le délai, puis le gars, il dit, non, c'est pas ça. Tu sais, ça. Non, on n'était pas passé le délai encore, mais on y était. C'était là, c'était le lendemain. Il dit, non, ça marche pas, puis tout. Là, le monde chez Desjardins, c'était discordant. Ah oui. Wow. Puis là, qui croire, là? Là, j'étais fucking. Dude, on parle de 20 000 piastres, là, genre, là, dans quelques jours, là, tu sais. Puis finalement, bon, on rappelle un autre pour avoir un autre avis. Parce que ça, c'est une centrale avec tout le temps du même monde non formé par rapport à ce problème-là. C'est généralement Nordia. Puis bref, là, finalement, le dude qui me dit non, non, non, puis qui m'obstine, qui est quasiment en train de me traiter d'épais, il me rappelle pour dire « Ouais, finalement, on a checké, ouais, puis c'est correct. » Normalement, c'est, il avait c'est moi le cave. Non, c'est, exact. Puis là, je suis comme « OK, fait que là, t'es sûr, là, tout est écrit, là, on vous a appelé là, le 31, t'as vu ça, puis là, on a le droit à ça, t'es sûr, là, t'es, oui. » Puis là, avec mon partner, là, on l'avait le 40 000, là. On avait genre 45 000, je veux dire, on va le rembourser, puis on a une marge de crédit, puis on va aller dedans. Mais bref, mais fait que là, on s'est dit... Mais 40 000, t'as fait 20 000, c'est quand même bon. C'est un hostie de bon bénéfice. C'est excellent. Parce que sinon, il faut que tu rembourses le 60 au complet. Oui, non, c'est ça. Mais on l'a, il est dans le compte. Au pire, je vais aller emprunter 40 000 pour te le rembourser, pour garder le 20 000. Ben, c'est ça qu'on a fait ici chez littéralement ce qu'il faut que tu fasses. C'est comme ce 20 000-là, tu peux pas... C'est un cadeau. Man, un cadeau, ça n'existe pas. Puis ici, on fait des rénaux puis tout. Fait qu'on a dépensé l'argent du gouvernement, ouais. Tu sais. Puis après, on a pris l'extra de la BDC. Ben, pas tout à fait, mais en tout cas, t'as des belles cassettes quand même. Fait que bref, on s'est dit, moi et mon partner, « All right, on y va. » Puis là, c'était des mois plus tard, c'était là que ça se faisait. Puis là, je me disais, la bureaucratie n'aura pas marché. Là, je vais le rembourser, ça se fait direct dans XCD. Puis là, ça va pas bouger. Il va nous dire, « Vous nous devez encore 20 000, monsieur. » Il va falloir appeler Desjardins, puis se battre, puis dire, « Vous m'aviez dit que si on faisait avant le 31, bien. » Puis finalement, ça a bien fonctionne. Été. La dette a disparu. La bureaucratie n'a pas eu lieu et le système a fonctionné. Chris, pour une fois. Les ordinateurs. Merci, les ordinateurs. Mais ouais. Non, mais c'est pour tous les gens qui ont connu le problème de Phoenix et de Darpay. Je vous dis merci, les ordinateurs. Ouais. Merci, les ordinateurs. Ça, on va en parler de ça. Pour vrai, j'étais sûr là, que j'allais avoir 2 jours de téléphone de Desjardins pour me battre, puis le gouvernement, parce que j'avais le numéro du gouvernement. Bref. Ça, c'était un dossier. Pour ça, j'étais stressé cette semaine. Pourquoi on parlait de ça? Je sais pas. Mais là, toi, t'es plus stressé parce que maintenant, t'habites au lac Saint-Jean. Ouais. T'as plus de job. Non, c'est pas, j'ai plus de job. T'es un itinérant du lac Saint-Jean avec une non, voiture. Non, je suis propriétaire de Empire Gawette. C'est vrai. Parlons de l'Empire Gawette maintenant. Oui, le temps file. Il reste 30 minutes. Si on veut parler de Sukoden un petit peu à la fin. Pas obligé de parler de Sukoden. Fait que là, t'es l'Empire Gawette. Ça, c'est Ganisos dans le chat à ma droite. Ouais, il a dit d'arrêter de mettre des photos de lui puis de parler de bière. Ouais, on parlera pas beaucoup de jeux vidéo, Ganisson, je suis désolé. Oui, parce que il y avait des beaux avant-bras de tonnelier. Hein, on voit qu'il lève des tonneaux. Des doigts de tonnelier. Ah, ouais, c'est ouais, des c'est saucisses. Ça. Ah, ça, j'en doute c'est pas. C'est déjà assez. Mes premières bières faites avec lui, justement. Petit chum. Une bière de petit chum. Une bière de petit chum. Tu m'en avais donné ça à l'ancien magasin. Pas possible, ouais. Exact. Fait que là, l'Empire Gawette, c'est quoi? T'as tout pris tes chips gagnés à vendre ton entreprise, puis tes maigres revenus de Lagerbrau. Tu mets tout ça là-dedans, dans ta nouvelle compagnie. Pas tout là-dedans, mais une bonne partie. Mais ouais. Fait que là, ça, c'est de l'agriculture que tu veux faire. Ouais, exact. Au lac Saint-Jean. Je suis parti à Saint-Gédéon. Saint-Gédéon, le grand mot. On a un Saint-Gédéon en Beauce en passant. C'était vous avez que tu tout dises, en Beauce. Vous volez toutes les hosties. Non, on vole toutes les singes, mais désolé. No joke, il y a une vraie histoire. T'as connu la vraie histoire de ça? Parce que maintenant, je me suis fait compter de... que genre pendant un bout de temps, genre la gang de Beauce ont juste fait... Fuck you, on prend les cinq. On invente nos noms, on s'invente des noms de villes, puis ces noms de villes-là existaient déjà ailleurs, mais ils ne savaient pas parce qu'ils ne parlaient pas aux autres. Fait que là, à un moment donné, genre, quand tout le monde est arrivé, ils ont fait comme, là maintenant, genre, tous vos noms de villes, on ne les changera pas, mais on va juste rajouter The Boss. c'est malade. Je l'explique très mal parce que je m'en rappelle pas, mais il y a vraiment une histoire par rapport à ça. Puis j'étais comme, hostie, que c'est l'affaire la plus boss run que j'ai entendue. J'adore ça. Donc, oui, effectivement, un Saint-Gédéon de boss. Il y a beaucoup de lolilol qui s'est passé avec ça, des gens qui habitent de là qui font comme, ouais, là, je suis supposé me débrancher ton internet, puis je ne trouve pas ton adresse. Puis c'est comme, t'es où? Je suis comme, à Saint-Gédéon, lequel? Saint-Gédéon. De boss, comme 300 km trop sud, mon chat. Il va en avoir un sur la côte nord aussi, là, je sais pas, je serais curieux. Hello, c'est Saint-Gédéon de Grandmont. Ok. Au lac Saint-Jean, effectivement, je me suis acheté une belle petite forêt avec des beaux bâtiments, des maisons, des bâtiments. La vue est attends, malade. Tu t'es acheté une maison et des bâtiments, t'as acheté une fermette, c'est quoi? Ouais, exact. Ah, carrément, t'as acheté une fermette. Oh, oui, okay. Oh, oui, littéralement. Mais là... Mais c'est de là que je vais contrôler toute l'Empire. Gawette, en effet. Oui. Mais là, OK. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas semer du soya, quelque chose? Il n'y a absolument rien de tout ça. Non, pour vrai, je suis vraiment en mode arboriculture. En ce moment, j'ai déjà du pain mature qui est dessus. On va commencer à regarder comment est-ce qu'il se comporte, voir qu'est-ce qu'il y a, si ça attends, vaut la peine pain, de couper. PN. OK. Ça, c'est la culture des arbres dans le but de le vendre pour faire ça, du c'est bois. Ça, c'est de la vente pour faire du bois. Exact. Bois. Mais c'est intéressant. Mais en ce moment, c'est long, ça c'est là. Mais la forêt en ce moment, cette forêt de pin là, j'ai 3 lots de pin. Ces trois lots-là sont assez matures. Ouais, ouais, ben, j'adore ça. Man, c'est perlin, pimpin. Les tonneaux de pain. Les tours de magie. Les pains perdus. Les du coating de pain. Là, on est rendu dans le business de vendre du toujours du pain. Pain. Ben, le filon, c'est le pain. Cet arbre-là, je voulais, man. Je voulais appeler ça Empire Gawa. Tu sais, au début, genre, au lieu avant d'appeler ça Empire Gawa, je voulais appeler ça Grupo Bimbo, mais le nom était pris. Hey, ça n'a pas de sens, ça. Par une compagnie de pain. Donc, tout ce lot-là, moi, je veux voir qu'est-ce qu'il y a, s'il vaut plus cher de bout ou à terre. Ouais. Parce que, oui, il y a une bonne culture que tu peux récolter. Qu'est-ce aller qu'il couper. Vaut de bout? Qu'est-ce qu'il vaut de bout? De la chanterelle, les champignons, okay, les okay. Genre, pas vrai, c'est comme ça fait tellement longtemps que c'est là qu'il y a comme une belle culture de trucs qui poussent, qui peut valoir plus cher que couper le bois et plus avoir accès à ça. Ouais. Et plus cher, non pas forcément du point de vue pécunier, mais du point de vue genre philosophique et du point de vue genre miam miam dans ta gueule, genre, parce que c'est bien beau une pruche ou un morceau de bois, mais ça se mange pas un plywood. Là. Genre, avoir des chanterelles, la profusion, c'est oui, tout le temps, s'il vous plaît. Dans le but de manger ça chez vous. Dans le but pour de manger, genre, j'aime ça manger. J'ai quelque... ouais, je sais pas si t'as remarqué, genre, ouais, c'est ouais. Comme j'ai des commerces alimentaires. C'est ça, hein, j'aime dans le manger. Genre, beaucoup, le encore. Miam miam puis de la nourriture. Ok, fait que t'es autosuffisant, là. Pas aller au IGA. En autarcie, ouais. De Saint-Gédéon. Mais moi, ça m'a toujours fait chier de payer mon épicerie. C'est comme une dépense que j'aime pas. Je suis toujours rassuré de rentabiliser cette dépense-là. Ah. Fait que là, si tu prends la décision de tout couper le bois pour avoir un cash-in live, ouais. Ton épouse dit que ça prend 50 ans à repousser. Exact. Fait que c'est long, là. Mais l'objectif, c'est pas de planter ça. Parce bon, qu'on aime ça qu'on... manger. OK, fait que fait la décision va... est prise de pas se partir en business de faire du bois. Du bois? Non, man, tu veux faire une business de faire du bois, t'achètes pas ça, là, t'achètes un lot à bois. C'est pas un lot à bois, ça. Ça, okay. Ça semblait être un lot à bois de la façon dont t'en parles. Il y en a beaucoup dessus. C'est parce qu'il y a 17 hectares. T'sais. Il y a du 2 millions, de pieds carrés, 2 millions de pieds carrés. OK. Il y a quelques arpents de piège. Ouais, ouais, hein, c'est ça. Pile pas dessus, ouais. C'est un piège. Meilleur jeu ever. On va se dire, là. Genre, bien avant qu'il appelait ça Trivia Pursuit, quelques arpents de piège. Miam! C'est magnifique. Je veux remplir tout mon fromage de morceaux de patente. Genre. Pour les gens qui ont moins de 40 ans à la maison, googlez. On n'a pas le temps. Là. Donc, oui, c'est ça. La culture, moi, je vais vraiment en arboriculture. Le but pour l'instant, c'est l'arboriculture et la culture des arbres. Oui, exact. Oui. Exact. Arboricole. Oui. C'est qui est comme Doba Caracol, mais en arbre. En mieux. Ouais, c'est ça. Genre mais c'est devenu juste Caracol après. Doba a disparu. Doba est parti, c'est devenu Caracol. C'était moins épais. Mais oui, je préfère la culture des arbres. C'est moins épais. C'est moins culture, là. Vous êtes très culturés, les amis. Félicitations pour votre beau programme. C'est très sérieux ici. Toujours. Eh oui. Toujours. Donc, non, c'est ça. En ce moment, je suis en train de travailler avec Truffes Québec pour faire okay. L'implantation d'arbres truffiers avec une mycorhize déjà de culture de champignons qui est pris à la racine de l'arbre qui va vivre, bien vivre. Ça va être du noisetier, du pin, du chêne à gros noyaux. Comment t'insères ça? C'est vraiment une mycorhize aux racines. Eux, genre, c'est des microbiologistes. Là. Eux autres, c'est comme des geeks. Fait qu'ils vont chez vous, ils checkent tes arbres, puis ils disent... Non, mais là, en ce moment, moi, j'ai rien de planté. Fait que moi, ce que je fais, c'est que moi, je lui achète des arbres que lui, il a mycorhizé. Puis là, on est en train de faire les tests de sol, faire les analyses, de savoir, genre, ici, si tu es avec le type de... soit l'instrument qu'il y a dans le sol, soit le type de à quel point est-ce que le sol est compact ou pas. OK, OK. Comment est-ce que le champignon peut se développer. Mais là, c'est des bébés arbres, ça. Tu peux pas planter un arbre mature. Ah non, j'en ai pour 10-15 ans. Là. C'est comme, ça. C'est avant ça, de commencer ça. Ta business de truffes. Ouais, c'est ça. Fait que là, genre, je me cherche une job. Ah, c'est ça. Okay, okay. Mais c'est intéressant. Fait que là, tu mises là-dessus. Là. Oui, il y a une grosse partie de ça. Il y a le fait que justement, ça va être des arbres des noisetiers, donc ça va me donner des noisettes. OK, OK. Genre, à partir de là, ça des beaux colliers aussi. Ouais, des colliers aussi. En fait, oui. Tu pourrais fournir oui. les Summon Marcel Lebeuf, puis tout. Ben, moi, c'est plus ça. Ouais, mais justement, elle est disponible. Elle est disponible, on vient de l'apprendre. Ben oui, mais qu'est-ce que t'attends, Colis? J'ai son numéro, il est où? ben, elle nous écoute dans sur le chat. T'as envoyé quelqu'un? Dans le chat. On doit avoir un hacker là-dedans, genre. Let's go. J'ai encore trop de cheveux, probablement. J'ai encore trop de cheveux. Ben là, écoute. C'est clair qu'elle a un syndrome de père absent ou quelque chose que tu peux combler en perdant tes cheveux. Vieux encore non plus. Tous ces cheveux-là, c'est parce que t'avais des purs noisetiers. Probablement. T'as écouté son père. T'as écouté son père. On n'ira pas trop là-dedans, ça va virer mal. Donc, oui. Un peu les noisettes, tu vois, une double culture, le fait d'avoir ce qui pousse dans les arbres puis ce qu'il y a dans le sol, le fait de pouvoir le contrôler. Puis aussi un autre parcelle que je veux transformer en verger, avoir des okay. pommes, des arbres, faire de la cidriculture. Ça, puis à fin de tout ça, genre le final, l'évolution, la dernière évolution, le dernier gauge. Le Dragon Ball Z, arrête science, de builder, science, il va faire une crise de cœur. Genre tout ça, c'est une table fermière agro-touristique où que tous les produits de la ferme, tous les produits qu'on a eu, genre ça se retrouve sur la table que je te fais cuisiner, puis ça risque d'être des ramen puis de la lager. Ouais, c'est ça, t'aimes ça, ils ramènent aussi, à ce que j'ai vu. C'est ça, c'est une folie. Très weeb. Ok, ben écoute, ben... Fait qu'en attendant, tu vas trouver une job là-bas, I guess, au Bonimark. Bonimark, ça n'existe plus, ouais. Je sais pas, mais on va l'inventer. Réinvente-le, ça existait. Mais ben là, Steinberg. C'est allemand, ça. Steinberg. Steinberg. Ben, tout ce qu'il y a, je vends, c'est brun. Mais, et en sauce. Mais comment tu vis ça, la vie rurale? Un jardin de fleurs. Oui, t'as raison, Eve-Marie. Je suis désolé. Parce que, effectivement, oui, Eve-Marie, ma conjointe, c'est comme. C'est son projet, elle aussi. Il y a une grosse partie de son projet, puis elle avait Quay Cocktail, qui était vraiment des sirops cocktails pour toutes les de la mycologie. Ouais. Avec des cueilleurs, du stock qui vient de la forêt boréale. Ouais. Puis vraiment très recherché. Puis justement, c'est avec elle qu'on travaille une grosse partie aussi de justement savoir des fleurs, de ça, ce type de d'arbre-là va nous donner du poivre des dunes. Mm-hmm. Vraiment, on est... Cette business-là existe encore, puis elle va eu... Oui, mais elle l'a vendu. Ça, ça va être son prochain podcast, elle peut venir te conter son histoire, parfait. Si tu veux. OK, mais elle va continuer un peu là-dedans via votre terre. Mais sans faire du mais oui. Ouais. Et non. Genre, non. Non, parce qu'elle n'a pas le droit. Non, on ne fera pas des sirops cocktails. Non, mais genre, elle va utiliser cette expertise-là. C'est knowledge-là. Tu t'en vas dans le bois, puis tu peux faire comme ça, ça se mange, ça se mange, ça goûte ça. Ça n'a pas de prix. En plus, c'est cute. Fait que, absolument. Genre, je sortirai avec. Ben oui. Puis, que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Mais bon. J'ai bu deux bières. Il y a un petit fond de fatigue. Mais, point de vue technique, tes enfants sont à Granby. Oui. Comment tu voyages tout ça? Je les ai déshérités, je les aime plus. Ah, ben c'est correct. Une affaire de rien. C'est combien d'heures, en fait? Toi, t'es venu, d'ailleurs, mesdames et messieurs, Jason a fait la route spécifiquement du lac Saint-Jean pour venir ici t'asseoir. Ah, mais là, je vois juste 5 heures. Ben voyons, J'ai une petite surprise pour vous autres, les garçons. Oh my God! J'ai dit tout. Je vous ai amené du bon red champagne. Hey, merci. Champagne de du la liqueur. Là, je peux-tu mixer ça avec quelque chose? Y a-tu? Oui. Peut-être que ton épouse pourra nous dire non, le mais meilleur. Non, mais pour vrai, genre, le meilleur cocktail du lac Saint-Jean que j'ai goûté, c'est du red champagne avec du rhum. Tu fais ça comme un rum and coke, genre. Ouais. Tu mets du red champagne, puis ils appellent ça un red rum. Ouais. Et genre, autant la joke et la référence à The Shining était cœur. Regarde-les ici, on va s'en faire du red rum. Genre, c'est comme ça fonctionne très bien. C'est magnifique. On a une bouteille de rhum, on va se faire ça live. Finir à 4 tables. Va falloir que tu vois la recette de Onsen Tamago du fleur et cadeau pour ton menu de table champagne. Oh shit, oui, man, pas vrai, là. Oui. Oh, ça, c'est quelqu'un qui te connaît définitivement. Ça, c'est comme ça, c'est très genre, oui, c'est wow, honesty. Parce que les Onsen Tamago, c'est des œufs. Fait que t'as un œuf cuit, puis le Onsen, c'est les sources thermales. Okay. Un peu comme il y a dans Suikoden, quand tu veux parler avec tous tes personnages. Tu te retrouves dans le Onsen. Puis le Onsen, il y a vraiment une température optimale là-dessus. Et les gens là-bas qui ont pas, genre, qui ça leur tente pas de faire cuire de l'eau, ben ils vont faire comme j'ai déjà une source volcanique qui me donne de l'eau, donc je vais faire cuire mes œufs là-dedans. Mais les œufs n'ont pas une température assez haute pour que les blancs soient complètement solidifiés. Okay. Fait okay. que t'as comme un entre-deux où c'est soggy, gélatineux, et, et c'est hyper soufré. Fait que tu sais, le soufre parvient un peu à s'immiscer par la coquille à cause de la porosité de la coquille. C'est comme oui, man, c'est bon en tabarnak. En plus, Fleury Cadeau, il met genre de la truffe là-dedans. Genre, c'est comme fuck yeah, man. Bien joué. Merci, Guillaume. Guillaume 89. Ça, c'est tellement du knowledge culinaire pointu. Oui, ben oui. N'attendais pas à ça. C'est impressionnant. La truffe. Oh my god. Fait, non, mais c'est 5 heures de route pour venir ici? 5, Montréal, probablement. De Granby, c'est 4 heures. OK. 4h30. Ça, c'est en mode normal. Mode speedrun, c'est 4 heures. Exactement. Tes kids, ils aiment-tu ça, le lac Saint-Jean? Ils ont été une fois à date. Ça fait pas longtemps que je suis là. Ouais, c'est puis, ça. Non, hein? Pour vrai, pour revenir à ça... je veux pas laisser ça comme une lettre morte. Non, mais on peut toujours en parler si t'es pas à l'aise. Non, non, mais je suis quand même très à l'aise par rapport à ça parce que c'est une conversation que j'ai eue avec eux. Bien sûr, c'est normal. Quel âge qu'il y a? 14, puis 11, bientôt 12. Exactement l'âge de mes enfants à peu près. Là. Ouais. Moi, c'est 15 et 11. Puis pendant la séparation, genre, on faisait moitié-moitié. Au début de la séparation, vu que j'étais vraiment comme dans un... Ouais, j'étais dans un creux de vague. T'étais pas présentable, fait qu'il était plus de l'autre bord. Non, c'est ça, il était vraiment de l'autre bord, puis c'est normal, c'est correct. Exact. Bon, pendant ce temps-là, j'étais plus souvent ici, sur Tinder, tout a très bien été, la vie était belle. J'ai rattrapé 15 ans de mauvais... Non, on n'ira pas là. Mais non, j'osais avec mes filles, puis il y a quelque chose que... Je peux pas offrir à mes filles. Je peux offrir beaucoup d'affaires à mes enfants. Genre, je peux vous offrir de l'expérience. Je peux leur offrir, oui, de l'argent. Oui, des cadeaux. Genre, il y a beaucoup de choses que je peux leur offrir. Je peux offrir l'entièreté de ce que je suis. Genre, la connaissance de c'est quoi un hot Santamago. C'est pas très important. Oh, c'est fucking important, man. Moi, ben, j'ai fondé toute ma vie sur ce type de skills-là. Fais-les là-dedans. Qu'est-ce que tu peux leur offrir, alors? Non, mais c'est ça. Je peux leur offrir tout ça, mais ce que je peux pas leur offrir, c'est ce que leur mère peuvent leur offrir. C'est une vie routinière. Leur mère, c'est quelqu'un genre que du 8 à 5, d'écouter leur programme, faire les... Genre, c'est comme une routine et quelque chose... C'est pour des gens... Et pour certains gens, c'est quelque chose de très sécurisant d'avoir une routine. Ben, pour les enfants, et des, surtout des enfants. Ma grande de 15, elle parle plus souvent allemand qu'elle me parle à moi. Genre, tu sais, c'est comme... Il y a des... Ben, moi, avec mon plus vieux, il devient un fantôme tranquillement. C'est ça, il n'a pas besoin de ça. Ma plus jeune en a vraiment besoin de ça. Et c'est une petite fille en plus qui est comme très insécure, qui a vraiment... Fait que c'était déjà naturel qu'elle passe plus de temps chez sa mère. Je suis comme, pour l'instant, ça, moi, je peux pas leur offrir et j'en suis conscient. Et ça serait très égoïste de ma part de vouloir rapatrier beaucoup de temps chez moi en sachant que c'est pas ça qu'elle a de besoin. Bien sûr. Mais comment tu vis avec ça? Ben, des fois, ça va très bien, d'autres fois, ça va très mal. Tu sais, je pense que c'est tout à fait humain, mais... Parce qu'il y a un détachement, là. Ben, il y a un faux détachement. Moi, c'est sûr que, ben, des fois, je fais comme Chris, il pense que je les abandonne, mais en même temps, genre, on est sur Snapchat, on s'écrit tous les jours. Okay, c'est comme ça, que je sois à 500 km ou que je sois à côté. Ben, des fois, genre, une des choses qui m'a le plus motivé, c'est dans mon appartement, c'est un 3 étages, là. C'est comme une maison de ville, là, qui est une maison rangée. Donc oui, ça me coûte genre... Au lac Saint-Jean, 8000 piastres. Non, à Granby. À Granby, genre, ouais, donc ça. Oui, ça me coûte 8000 piastres par mois. Genre, ouais, c'est comme, non, eux aussi connaissent ça. Il y a juste toi, right, que dans ton triplex, tu loues encore à un prix raisonnable. Ah oui, malheureusement. Les appartements qui sont à la piste de chat. Tellement raisonnable qu'on va être obligé de vendre l'année prochaine pour aller vivre dans ailleurs. Un 3 et 8000. Pour payer mon hypothèque. Mais non, c'est ça. Fait que pendant un bout de temps, genre, j'étais chez nous, là, j'étais à mon étage principal, puis pendant une journée de temps, j'avais pas vu mes enfants, puis tout ce qu'on faisait, c'est qu'on s'écrivait genre sur Snapchat, puis j'étais juste dans la même maison. Là. Dans la même maison, j'ai fait comme, pour vrai, la seule chose qui me retient à Granby, qui me retient dans ce milieu-là, c'est eux autres. Absolument. Puis en ce moment, je peux même pas être capable de leur offrir une vie de famille ou être capable de genre de pouvoir avoir cette espèce de faux esprit de genre, je sais que. Non, non, ben. Puis. Fait que tu vas faire le deuil de ça. D'une certaine façon. Pour gagner autre chose. Parce que j'aime mieux sacrifier ce moment-là. Ouais. Ou ce que je sais qu'en ce moment, ils ont plus de besoin d'une sécurité, d'une routine, qui vont être plus avec leur mère. J'aime mieux sacrifier ce moment-là pour pouvoir gagner des années après. Parce qu'après ça, eux, comme j'expliquais à ma plus vieille, dis-toi, dans pas long, tu t'en vas au cégep. Là. Puis si t'étais resté à Granby, si t'étais resté dans ce secteur-là, t'aurais eu quoi? T'aurais eu le cégep de Granby, t'aurais eu le cégep de Sherbrooke, puis d'Atit, parce que ta mère t'aurait jamais laissé aller ailleurs. T'sais, c'est comme, c'est genre, c'est les choses les plus proches. Là, maintenant, tu viens de gagner le cégep d'Alma, le cégep de Chicoutimi, le cégep de Saint-Félicien. Genre, en ce moment, genre, je viens de t'ouvrir beaucoup de cégeps avec des fonctions fucking hot, mais il y a des cégeps. Si tu veux aller en musique, tu veux aller en, justement en radio, en technique, tu veux être capable de pas streamer en 360p, genre. Va à Jonquière. Tu vas pas aller très bas à Montréal à 15 000 piastres. C'est 35 minutes de chez nous. Puis ça, je peux offrir ça à mes enfants. Tu sais, c'est comme, c'est quelque chose que je sais, je vais sacrifier 3 ans, 4 ans de leur vie. Ouais. Mais je vais sacrifier, que je vais me sacrifier ce temps-là. Parce que les autres, oui, ils ont besoin de moi, mais en même temps, c'est plus moi, genre, qui fait comme ah, je les veux tout le temps avec moi, et puis je les veux. Puis c'est normal, si je suis un père, puis je les aime, puis je les veux tout le temps avec moi. Puis eux autres aussi, ben, des fois, ils doivent s'ennuyer de moi, puis ils doivent avoir ce même truc de. Il faut juste communiquer. Ouais, c'est ça. Il faut juste avoir une communication par rapport à ça. Ouais. Donc, ouais, c'est très personnel. Très personnel. Ouais, merci de partager ça. Mais merci. C'est très intéressant. D'habitude, je partage ça avec mon psy, fait que ça me fait plaisir de ne pas te payer. Mais tu ne me payeras pas, mais tu me donnes de la bière. C'est très bien payé. Tu n'auras regarni de frigo. Mais oui. Mais pour vrai, moi, je crois dans. Je crois que d'exposer ce genre de choses ou d'exposer nos faiblesses et puis de parler de nos faiblesses ou de t'en as parlé de ta dépression, tout ça. Je pense que tout le monde connecte puis tout le monde a des faiblesses puis tout le monde a de la misère. Puis JF, t'en as parlé, toi aussi, ta séparation, ton down et tout ça, la pause de retour nouveau. T'sais, c'est très important de faire ça parce que tout le monde a ces problèmes-là puis tout le monde vit des choses. Puis je suis bien content que tu le partages. C'est un peu ce que puis on montre toujours le beau ici. C'est toujours le beau qu'on montre. C'est ben toujours oui, genre ben oui. les belles affaires. Les, parce que tu vois, tu parlais justement quand t'as arrêté ton épicerie, tu sais. Puis moi, je me dis, si à un moment donné, je crash, ou comme l'arcade, tu sais, là, ça a été un peu plus difficile, puis tout ça. Là, je me dis, si à un moment donné, on ferme, là, je vais être gêné de ça, tu sais. Je vais avoir honte, je vais comme fail, là, tu sais. Mais on dit, il faut pas. Parce que moi, je suis pas cassette, hostie, man. C'est on top tout le temps. Check-moi ça. Si tu fermes, c'est à cause du quartier latin, man. C'est pas non, mais je veux passer à travers toutes les fucking difficultés, puis Dieu sait qu'il y en a présentement. Mais c'est ça, on dirait que j'aurais de la misère avec ça. Ça serait comme mon orgueil qui serait blessé. Fait que. Ben, c'est tes projets, c'est un peu tes bébés aussi, tu sais. Fait que ça. Ouais. Ben, tu le vois comme un échec, mais ça ne l'est peut-être pas non plus. Là. Ben non, ben, je veux dire, on a poussé ça. Que demain, l'arcade pourrait fermer demain. C'est comme Chris de Belle Run, pareil. Là, 8 ans, un bar. Moi, no joke, je ne sais pas si Ganivet est encore là. Il y a un moment dans ma vie que ça a vraiment pas bien été. Il y a vraiment un moment dans ma vie où que, genre, je m'en allais probablement genre me tuer. Genre. C'est comme ça allait vraiment pas bien. J'ai appelé Alex. J'ai appelé un autre ami. Il est là. Ah, il est là. Puis la première chose qu'on a faite, c'est que je montais, là, je suis parti de Granby, je montais vers Montréal, j'ai dit genre c'est, ça me prend quelqu'un, genre ça me prend, faut que je vois quelqu'un parce que je sais pas ce qui va se passer. Puis je ramassais Alex, on s'est ramassé à la mer à boire, puis après ça on a passé beaucoup de temps à l'arcane. Fait que genre dans ce moment-là, genre j'avais besoin de l'arcade pour me retrouver, me recentrer, fait que donc genre c'est comme des histoires de même doit en avoir plein. Ah ben j'espère, ben c'est merveilleux ça. C'est-tu la fois avec Philippe Waters aussi que vous étiez pacté littéralement cette fois-là. Si j'étais eu un messenger louche de genre je sais plus quoi. J'étais chaud, man. Mais en même temps j'étais mieux chaud que mort, mettons. Ouais c'est ça, exact. Avec le recul. Ouais. Ah, puis ton épouse là qui te fait des beaux mots. Fait que c'est merveilleux. Mais là, c'est drôle parce que tu sais, tu es comme ah, l'entrepreneuriat, tu rentres dans le mur, tout le couteau d'un dent, tout ça. Là, tu es en train d'exactement refaire la même crise d'affaires. Ouais. Mais non. Parce que c'est des arbres. Je vais attendre après dessus pendant 10 ans. Chien, je vais courir après les trucs. À un moment donné, non, mais tu le planifies, tu y penses, tu dis. T'es déjà en train de me parler de ta table champêtre que tu vas avoir dans 15 ans. Ouais, je sais. Mais genre. Tu places tes dots. Ça fait partie de nous autres. On les trois, je pense qu'on est un peu entrepreneurs dans nos vies. Fait tout le temps des projets en parallèle, tout le temps quelque chose qui... Faut qu'il y ait de quoi à bâtir, là, sinon on dirait que... Faire du temps un peu, là. Ouais. Hey, mais moi, j'ai de la misère à rien faire. Puis moi aussi. Là, je le vis de plus en plus avec mes enfants. Puis là, il y a une nouvelle émission à la télévision de Élise Marquis. Ça s'appelle... qui parle du syndrome. C'est quoi ces petits yeux-là? C'est très... C'est très cute, Élise. C'est très... Non, je la trouvais cute. En tant que télépirate, je trippais-tu bien raide. Mais là, en forme, puis tout, en leggings. Ah oui, en leggings, à télépirate, etc. Mais bref... Probablement, je me rappelle pas là-dessus. T'étais trop jeune, sûrement. Non, pas du tout. Non, moi, je suis trop. Moi, c'est dans mon démographique, là. Je connais Télépirate, là. Mais elle avait. Là, elle a une émission qui parle du syndrome du nid vide. Donc, okay. Tes enfants quittent, et puis ça s'en vient. Ouais. Toi aussi. Ben, toi, la réalité est différente. Mais moi, je me retrouve. Je voyais ça à radio pendant la que liberté. J'étais pogné dans le trafic à Montréal. Là, je me retrouve avec un plus vieux qui est jamais là à la fin de semaine. J'ai plus besoin de m'en occuper. Mm-hmm. Puis là, le plus jeune, on est avec lui parce qu'il a besoin d'un cercle. Il a des amis, mais il n'est pas la fin de semaine. Genre, il est comme un entre-deux. Ouais. Mais ça s'en vient, l'autre. Puis après ça, moi, ma blonde, on va être comme. Vous allez trop de temps libre. On est tellement habitués de gérer et de faire que là, on ne sait plus. Mm-hmm. On se retrouve devant un vide. Puis c'est rough, là, tu sais. Fourré, man. Puis quand l'émission... C'est quoi? Ça, 100%. Fourré. Ça, ne t'inquiète pas. Déjà, que la fin de semaine passée, mon plus jeune était à une fête d'amis. Il revenait à 9h. Mon plus vieux était supposé aller chez son ami, chez sa blonde. Puis là, finalement, il y avait la fucking gastro. Fait là, il restait à la maison. Hey, moi, je pensais qu'on allait se faire un petit souper rapide, pogner un pokéball, genre, puis faire l'amour sexuellement, joliment, tu sais. Ben, faire l'amour sexuellement. On a fucking rien pas fait un d'outil, de ça. Là. Genre, non, ben, tu mets du linge, là, tu sais. Là, c'était. Tu sors le linge. T'as mis les lumières. Tu sors les appareils, puis j'étais très déçu que rien de tout ça n'a eu lieu. Gérer de la gastro-grippe. Fucking gastro. En tout cas. Fait que oui, on va fourrer beaucoup. On va fourrer beaucoup. Les deux, vous avez regardé là en même temps. T'as l'autre qui arrive. Et là, quand est-ce qu'on va fourrer? Fait que ça, j'ai très, très, très honte. Mais c'est ça. Faut un moment donné... ça m'arrive. C'est ma vie fourrer, maintenant. Ça. Oui, tu fais bien. Ben, pas assez, mais ça s'en vient. Mais plus, ça, c'est bon. Après 20 ans, quand même. 20 ans de vie. Oui, bien joué, man, bien joué. Quand même. Mais oui, je comprends, ça va être. C'est tellement. Le couple est beaucoup sollicité, genre, surtout quand t'as des enfants, puis que ça grandit, puis que t'as. Justement, le côté routinier, le côté. Genre, la routine. C'est quoi sont les surprises? Genre, c'est quoi non, sont y en a les. Plus, y en a plus. Il y a moins de stimuli, il y a moins de. Genre, t'es toujours fatigué, tu sais. Fait que le soir, t'es comme, tu penses pas à faire le petit extra truc, tu fais juste la commission de base, puis tu t'en vas à la maison, puis t'écoutes la TV. Mais c'est important de. Si tu couples ouvert ce podcast-là. Couple ouvert featuring Papa Cassin. Un peu. Là, il nous reste genre 5 minutes. Okay. Fait que Sukoden. Bon. Non, on parlera ça pas. Ça peut prendre plus que. 5-10 minutes, là. Mais non, ben, pour vrai, je te niaise. Mais. As-tu des questions, genre? Parce que pour vrai, no joke, je parlerai pas de Sukoden. J'ai vu beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec Jouer Vite. Ouais, fait ben, que, parle de Jouer Vite si tu veux en parler. C'est comme ça que ça va. Explique ça va se rapidement, c'était quoi, peut-être. Jouer pour Vite, les autres, c'est un podcast que j'avais avec mon ami David Place, Sauce Brune, si vous le connaissez sur Discord ou Twitch. Il Twitch encore, il fait du jouage de jeux Vela. Fait que t'as Gany Sauce, t'as Sauce Brune, t'es beaucoup dans Sauce. Ils sont tous dans Sauce, c'est, mon gars. Man. J'apprécie, pour vrai. C'est mieux que ce soit dans Sauce que si tu es à Sauce. Ouais, oui. C'est ça. Fait que c'est un podcast de speedrunning. Qui se spécialisait sur le speedrun et ça a été une belle année de ma vie, une belle année avec David aussi. On a vraiment. Ouais, merci. Pour vrai, j'étais un petit peu loin. C'est correct que j'ai juste à mesure. Merci. C'est vraiment un beau moment avec David. On a découvert plein de choses. Le speedrun, c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement motivé, qui a tellement pris beaucoup de ma vie dans le jeu vidéo. C'est du sport, man. C'est non seulement du sport, c'est une discipline. Et il y a tellement de tout que n'importe qui peut aimer ça. Il y a tout le temps comme un hostie d'épais qui a pensé à une catégorie complètement conne et random qui fait que ça va fonctionner, là. Genre, je vais faire Céleste, B-side, le truc le plus difficile en ramassant toutes les berries sur un tapis de Dance Dance Revolution. Ça, c'est malade. Puis je vais jouer plus vite que toi qui je fais comme ça va être la 20e fois que tu vas le faire parce puis lui c'est comme genre ah oh, excuse parce que tant je me pratique pour la fois que je vais me bander les yeux. Ah ouais, ouais. Genre des affaires comme ça puis jouer vite, on a eu vraiment beaucoup de fun. Ça a été pendant la pandémie surtout, fait qu'on a passé beaucoup de temps à être justement en virtuel. Que David, il habitait à Offord, moi j'habitais à Granby, qu'on se parlait chacun de nos bars. On avait des invités, on a eu des choses comme ça. Puis, rendu à un certain moment, tout ça, genre, quand on s'est retrouvé ou ce qu'on voulait faire ça en physique, on a juste comme perdu un peu la flamme. On a juste été moins là-dedans, moins le goût. On a eu un gros problème. Pour l'épisode avec Void, ceux qui l'ont vu, là, genre, cet épisode-là m'a crissé à terre. Là. J'avais travaillé très fort sur cet épisode-là où on regardait une de ses runs. Void, qui est un champion du monde de Donkey Kong Country, un gars de Québec. C'est très drôle, un champion du monde de Donkey Kong Country. Ben oui, oui. Genre, c'est comme. Puis pour vrai, il était impressionnant. Puis là, on regardait sa run qui avait gagné le record du monde. Puis là, on mettait sur pause, on analysait tout ce qui s'était passé. Puis genre, la technique de ce style d'épisode-là a fait que je l'ai écouté une fois. Puis j'ai fait comme, Christ, que c'est mauvais. Genre, c'était vraiment genre. Tout ce qui pouvait se planter a planté. Mais nous, ça fonctionnait très bien quand on l'a fait. J'étais comme, hostie, c'est le meilleur affaire qu'on a jamais fait. Ouais, l'écoute, je suis comme, hostie, c'est de la dope. Là. Ça, c'est dégueulasse. Ça marche pas, genre. C'est comme, celle-là, ça a fait mal. Après ça, il y a eu des enjeux purement humains. Là. David et moi, on s'est retrouvés dans une situation où on était moins amis et moins... C'était plus difficile de passer du temps ensemble comparativement à ce temps-là que c'était plus facile. Puis c'est tout à fait normal. On est tous humains. Fait que c'est ce qui s'est passé, je trouve ça un peu plate, mais en même temps c'est la vie. Puis genre il y avait un beau potentiel. Mais est-ce que ça va revenir? Probablement jamais. Genre, c'est même pas gênant de dire que des mots de bonne chance que ça revienne jamais. Fait qu'il y a combien d'épisodes environ? Je pense qu'on en a 5 ou 6. C'est encore disponible pour ceux qui s'intéressent. Oui, moi j'ai tout rien désabonné. Genre, je paye encore du Buzzsprout. Puis on était sur Yoink Media, on était sur toutes ces affaires-là. Sur RZO, ouais, c'est ça. RZO. Exact. Mais là, c'est sur YouTube. Ouais, YouTube, RZO. On est encore YouTube. On a juste plus de. Je pense qu'on a plus de Twitch. Parce que David a repris le Twitch pour quand lui fait du speedrun. Il m'avait demandé, puis j'ai fait comme d'autres, vas-y. Un, je m'en crisse. Deux, si toi tu peux t'en servir, puis te servir de la communauté, vas-y. Non, genre, non, t'as ouais, good streaming. Puis, pour vrai, il est bon, c'est le petit Chris. Il fait du. Des runs de versions de Super Mario World. Ouais. Des Kaizo, genre, puis des choses. Grand Poo, puis des trucs que de même. Genre, vraiment, genre, du monde qui ont remonté Mario pour que ça soit encore difficile. Les gens, quand vous voyez des trucs de genre « Monde impossible de Mario » sur TikTok, là, c'est comme des hosties d'affaires qui n'ont pas rapport. C'est ça, genre. Il speedrun ça. Puis speedrun, c'est finir le jeu. C'est même pas finir le jeu rapidement, c'est juste finir le jeu. C'est ça. J'ai jamais rencontré... On est amis. On discordait sur nos opinions politiques à certaines époques. On s'obstinait sur Facebook. Je me rappelle de ça. Fait qu'on s'obstinerait sûrement sur Facebook aussi. Oui, il y a des bonnes chances, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions très tranchées et qui n'est pas très... Qui n'était pas les mêmes que les miennes. Qui n'était pas c'est très ça que docile ça à entendre celle des autres. Ouais, non, c'est ça. On peut ça dire prend, ça de même. Dans un dialogue, genre, c'est parfait, ça aide c'est le fun, mais... Allons, on a besoin d'avoir un consensus. Ouais, non, exact. Pour le vivre ensemble. On dit 9 épisodes. 9 épisodes, bon, tu vois. Ah, ben voilà. Quand même, hein, c'est que presque le double de ce que tu pensais. Fait que. Sacrement. On a fait hein. des choses. J'en ai fait des choses. Mais je pense pour vrai, on a fait un an. On a fait 9 épisodes en un an. On était quand même pas pire. Enfin, puis au début, c'est-tu qu'on avait des projets. Puis là, j'avais composé la musique. Là, je faisais des back vocals. Des fois, c'est comme, on disait de quoi qui était pas correct dans l'épisode. On réécoutait. Là, je me filmais après. Puis je suis comme, bonjour, c'est Jason du futur. Là, c'est comme, on a parlé de ça. Il y a eu beaucoup de production. Mais tu vois, tu pourras jamais enlever. Tu vas tout le temps être de même, tu sais. Ouais. T'aurais pu ne pas faire ça, tu sais. Mais tu voulais faire ça pour avoir le plus de zis, là. Ouais, c'est comme j'en avais toujours fait que... tout. Exact. Tout. Fait que... c'était le fun, mais genre à la fin de tout ça, on a juste fait comme, ouais, mais j'aurais aimé ça que ça continue. J'aurais vraiment aimé ça, genre que ça continue, puis que ça marche, puis que ça pogne, puis qu'on... J'avais une de mes visées. Moi, je trouve que le marché francophone, surtout en podcast, le podcast que j'écoute beaucoup de podcasts français, genre. Je suis pas un. Genre, de France, là. Oui, de France. Puis j'écoute beaucoup de podcasts francophones, mais j'écoute quand même beaucoup de podcasts sur mon YouTube français, genre. Et le speedrun en France, et genre. Il y a beaucoup de gens en France qui aiment le speedrun. C'est vraiment la communauté française de speedrun est fucking hot, là. T'écoutes Speedon, il y a un gros shtick, il y a une grosse masse de gens que tu peux avoir accès, que tu peux aller chercher. Juste en travaillant un peu, juste en plus, j'étais comme, pendant un bout de temps, j'étais juste, on va travailler un peu. Le fameux public français qu'on veut tous conquérir. Ouais, c'est ça, exact. Là, j'étais juste comme, il en manque pas beaucoup, on va juste travailler un peu sur notre parler, on va aller chercher. Je vais écrire, justement, on avait Void, disons, je vais aller écrire sur des gars qui font du speedrun, qui ont eu des world records, qui sont top 2, genre, tu sais, des fois, tu sais, t'as pas le top 1, mais t'as le top 2, puis à un moment donné, il va peut-être devenir top 1. Ouais, tu sais, c'est comme, tu vas à pêche, là. Je disais, on va juste aller chercher une coupe comme ça, puis à force, à m'emmener dans l'algorithme, tu vas te rendre dans tout ça, et tu vas l'avoir. Et là, je viens de tomber sur un bassin de gens immense, et on va pouvoir vivre de quelque chose de tout cela. Mais pendant tout ce temps-là, moi, j'avais 2 IGA, des enfants, et j'étais en dépression. Et j'étais... c'est quoi? Ouais. Ah non, c'est clair. Pendant que papa était en train d'arranger l'OBS, il était pas en train de faire à souper. Là. Non, c'est clair. Oh là là, t'entendre me fait peur. Pour vrai. Ton fan, Ali Hugo, il est là. C'est qui, Ali Hugo? Ali Hugo, c'est un de vos très gros fans qui a Anana, mon amour, un petit bon resto à Alma. Et que... Ah ben oui, je sais, j'y parle des fois sur Instagram. Puis, pour vrai, ce gars-là, genre... Ben, ça fait longtemps que j'y ai pas parlé. Ce gars-là, c'est une fucking perle. Et oui, genre, merci de me revenir. Cette anecdote-là est tellement drôle. Je commence à fréquenter Eve-Marie, ma conjointe. Je me ramasse au Anana, mon amour, parce que c'est un hostie de bon resto. Une belle buvette, une belle offre de produits, tout est là. Puis là, je m'installe. Puis là, j'ai Polly qui me regarde. Fait que je te connais, toi. Ah oui, ça se peut, genre, j'ai un petit Jagawet. Sinon, genre, je suis... Valco. Je suis pas mal souvent avec Eve-Marie à côté qui est ton amie. Dis, non, man, jouez vite, c'est toi, ça. Je suis comme, wow, shit! Genre, à partir de là, je suis comme, maintenant, t'es mon meilleur ami. Là, ça faisait un bout de temps, je pense que ça faisait comme un an que j'avais pas parlé avec David. Je lui ai envoyé un texto d'Oge, un gars qui me connaît à cause de jouer vite. Un gars de Alma. Ouais, c'est ça, genre, c'est la première fois que j'avais vraiment quelqu'un qui fait comme, Oge, je te connais. T'étais dans le jeu et bitch, je suis comme, oh shit! Ah, oh, c'est malade. Oh. Ben écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. On va te réinviter pour parler de Sukoden pendant 2 heures. Parce ça que, va me faire selon tes dires, il y avait ça. Ok, mais ça, c'est juste Sukoden 1. Bonne série, là, c'est correct. J'avoue, hein, on est rendu il y en à... Il y en a 5. Il y en a 5 listés. Sinon, t'en as un qui est un Tactics. T'en as un, c'est un jeu de cartes. T'en as... My spécial God. Scoden. T'as Tri-Kiss sur DS aussi. Tout ça est effrayant. J'ai pas trop envie. Ben, il y en a pas encore 108 comme les étoiles de la destinée dans ce code. Galgator dans le chat qui dit « C'était vraiment cool comme entrevue. Vous avez un invité divertissant, un touche à tout. » Exact. Ben écoute, c'est merveilleux et puis on va essayer de continuer ça avec les futurs invités. Et puis, écoute, Jason, c'était super. Ben oui. Wow, c'était très diversifié. Merci d'avoir fait ben trop de route pour être venu ici. Là, exact, c'est... exact. C'était pas ta semaine d'enfant en plus, fait qu'il y a comme eu un mix, fait que t'as vraiment pris le temps de faire la route que, oui, presque pour ça. Non, en même temps, ça va me permettre des... de monter mon drum au lac, fait que okay. Maintenant, dans mon studio, je vais t'approcher sur quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Ça va peut-être faire comme... vibrer le ground, oui, ça va stimuler les truffes. Exactement. Ah, fait que je pense que ça va aider. Oui, ça peut pas ne pas aider. Ben oui, en écoute, c'est les truffes en 6-8 paradiddle, c'est sûr. Ouais, puis ta blonde, elle a pas de sexe présentement. Fait que, ouais, mais c'est-tu beau ça, les nouvelles relations comme ça, qui parlent de demain. Sexe à côté tout le temps. sur les chats Twitch pendant dans des lives. Exactement, ça parle de fourrage, c'est beau. Merveilleux. Y a-tu une place qui reste ou que tu veux plugger? Y a-tu des choses que tu veux plugger? Lagerbrau, man, pour vrai, genre, Lagerbrau, encouragez-nous. Si vous n'avez pas dans vos coins, très, très parlez-en. Bon, on peut être littéralement distribué partout au Québec. Genre, on est avec Bucky qui distribue partout. On est sur la plateforme Pivot Hub pour les gens qui veulent en commander. Achetez ça. Mais j'en ai vu dans des épiceries. Oui, oui, non. On est grande surface. On est disponible. N'importe qui tu veux en commander, t'en commandes. Exact. C'est juste que nous, on est comme pas bon pour. On n'a pas des reps. Vous avez pas de reps, exact. Puis, fait que tout comme Pixel, comme où les gens qui nous disaient j'ai pas de Pixel chez nous, ben dites à votre épicier ou dépendant un local ou whatever, de lever le téléphone et d'appeler. Puis oui, tout exact. Ça est livrable. Ou sinon, pour vrai, abonnez-vous au Patreon de Papa Cassette. Oui, c'est ça. Je vais vous aider à en faire chipper dans votre coin. Ou Discord, Hub, toutes les plateformes. Genre, venez ici pour voir, c'est le fun. Si on est bien, c'est douillet. C'est très douillet. Et puis, on va te revoir dans le chat au prochain épisode. Oui, imagine, je vais vous troller t'es comme main, des hosties. Toujours. Comme exact. On apprécie. Maintenant que t'es quand pas... ça donne. T'es un sans-emploi rural. Maintenant que t'as vu les taches blanches chez Mur puis le poster de Rob, là. Il y a une expression au lac, genre pour les rednecks, un peu. Genre le monde en trois roues, genre qui brûle du gaz avec une molette. Y a-t-il encore des trois roues, premièrement? Qui tire du gun, puis qui sniffe du gaz, là. Ça, on appelle ça un gawa. Ouais. Donc un gawa, une gawette. Genre, ah, c'est comme on est à la bonne place. Parfait. J'aime ça l'expression gawa. C'est gawa en tant que. Comme c'est gawa, ce plan-là, ouais. Ou ce projet. C'est monté gawa. C'est un setup de gawa. Le lac est rempli de toutes ces petites formulations de phrases-là. Il y a tous les gros noms que tout le monde connaît, là, Faire 5, des choses comme ça. Mais il y a toujours des petites subtilités de langage qui sont comme. Ah, cet endroit-là est magnifique. C'est magnifique. Venez au lac, man. Le monde cool. Le monde pas cool. Venez pas, genre, restez chez vous. Ouais. Monde cool, venez nous rejoindre. Genre, on est là, on n'est pas sortis, il fait tellement beau. C'est beau chez nous. Ça, je veux pas sortir. Je suis allé une fois au lac Saint-Jean. J'étais un enfant, faut que j'y retourne, en effet. Fait que, ben voilà, c'était très apprécié, merci beaucoup. Merci effectivement, à vous tous, suivez Papa Cassette sur toutes les... Ah, 360 pays, là, c'est... Ah oui, exactement. On va travailler entre les deux épisodes, voir qu'est-ce qui s'est passé. Exact. GF, merci beaucoup. Merci à toi, encore une fois. GF, le MVP. Et yes. Puis, pour le prochain épisode, on revient le mercredi. Oui, bon. C'est... Ton horaire de hockey. Bon, le hockey se termine et puis le party t'as de... T'as pas une série, pas assez bon? Malheureusement, il n'y a pas de série, mais je sais pas si on les aurait faites. Fait que mon hockey se termine, ce qui va me redonner beaucoup d'espace dans ma semaine. Je me rends compte que j'ai bien des choses à faire la semaine, mais c'est ça, on va revenir le mercredi. On reprend la plage horaire que Retro Nouveau avait avant. Exact. Là, puis c'est peut-être pas... Peut-être que ça peut revenir le mardi, mais si on fait ça, là, ça change ta semaine. Ça change ma semaine, fait que c'est ça, c'est les horaires. Avec le kid, là, fait qu'il faut voir ça, mais oui, on vous avertira. Sinon, ça sera mercredi. On le faisait déjà mercredi depuis un moment. Tantôt, le chat, je vous disais, genre, prenez ça en note parce que dans le plan, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne marcheraient pas. Genre, c'est là que c'est important. Genre, c'est comme c'est là. Le Q est là. Exact. Et voilà. Mais mercredi, dans deux semaines, ça va être le prochain show. Corbin Dallas était là tout le temps, puis on le savait pas. Ah, il s'est joué bon, puis on. Là, il pop à la fin du show avec encore un show d'excellence. Bonne fin de soirée, les boys. C'est très apprécié. Merci pour ton abonnement à Prime aussi. On s'apprécie. Absolument. Oui, il a fait ça. Il est très généreux. Fait que merci tout le monde et puis on se voit dans deux semaines. Bye tout le monde. Bye.